Mais moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais, son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cet épisode numéro 7 de notre saison numéro 2 de Démocratie Participative. Je vous invite immédiatement, si vous le souhaitez, à nous contacter sur notre adresse email democratieparticipative@mail.ru. Il n'y a pas d'accent sur démocratie participative, sur démocratie, et il n'y a pas de tiret entre démocratie et participative. Donc je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube. On a une nouvelle chaîne YouTube, comme vous le savez, la précédente a été censurée. Donc la chaîne actuelle est une chaîne en fait d'appel ou d'avertissement en quelque sorte. Vous recevez le signal de notre nouvelle émission, vous abonnez à la chaîne et vous recevez le signal, et ça vous renvoie vers SoundCloud, qui est la base audio de l'émission, et je vais y revenir. C'est très pratique, comme ça vous êtes alerté, et puis vous avez un extrait, on vous met un extrait de 15 minutes de l'émission à peu près, 10-15 minutes, comme ça vous avez un aperçu, et puis c'est assez social, ça permet aux gens aussi de commenter. Alors, la plateforme importante qu'il ne faut pas oublier, chers amis, c'est SoundCloud. Hein, SoundCloud, la plateforme MP3. Vous pouvez télécharger l'émission. Vous cliquez juste en dessous, sur le lien SoundCloud. Vous arrivez sur la page SoundCloud de l'émission. Vous cliquez sur « Plus » et vous cliquez sur « Partager ». Vous pouvez la mettre sur votre téléphone mobile. C'est très, très pratique. Très simple à faire. « Plus », « Télécharger », extrêmement simple. Évidemment, suivez-nous sur la page Facebook de Démocratie Participative, qui est maintenant régulièrement mis à jour, puisque nous avons aussi un site internet qui diffuse des news décomplexées, on peut le dire. Hein. Le site internet, c'est democratieparticipative.biz. Démocratie participative, il n'y a pas de tiret entre démocratie et participative.biz. B-I-Z. Voilà. Alors, Démocratie Participative, c'est un site d'information, comme je l'ai dit, décomplexé. Vous avez accès, là aussi, bien évidemment, à nos émissions. Donc, le site vous permet, en fait, de suivre, quoi qu'il arrive, les dernières news de l'émission. Donc, allez visiter ce site. Vous aurez les infos sur un ton détendu très clairement. Et voilà. Alors, j'étais un peu long, mais il y avait un petit update à faire. Alors, sans plus tarder, je vous présente les membres qui participent avec nous cette semaine, et on a un invité spécial en la personne de Tsaiger. Salut Tsaiger. Alors Tsaiger, pour ceux qui ne savent pas, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, c'est notre ami du Québec, qui est chroniqueur au Daily Stormer, hein, le site, premier site nationaliste, on peut dire, du monde, hein, on peut le dire, hein, je pense qu'on peut le dire. Hein. Salut Tsaiger, oui, ben, comment ça va? En termes de view... Ouais, salut, merci de m'accueillir à votre émission. Oui, je crois que Daily Stormer, en termes de views, est probablement le numéro un au monde. Même il a dépassé Stormfront, qui était assez populaire pendant plus de 10 ans. Donc, on travaille bien et les médias font beaucoup de travail pour nous. Disons qu'ils nous promouvoient sans trop d'hésitation. Ouais, un très, très bon site, hein, Daily Stormer. Dirigé par Andrew Anglin, hein, et on apprécie ta prose, Tsaiger. C'est pour ça que tu es avec nous aujourd'hui, tu étais déjà intervenu, hein, une première fois, c'est ta deuxième participation à Démocratie Participative. On te remercie d'être avec nous, vraiment. Troisième, même, en fait. Troisième ? Ouais, troisième. Ouais. Ah, autant pour moi, j'ai la mémoire qui flanche, voilà, c'est l'âge, autant pour moi. Désolé, Tsaiger, j'étais confus. Derek, comment ça va, Derek ? Ça va très bien, cher Gandalf. La pêche. La pêche. Fulbert. Comment vas-tu, Fulbert ? Ah, je vais bien, merci. J'espère qu'il en va autant pour vous. Demain. Ça va. MacDav, salut MacDav. Comment vas-tu, Mac ? Ça va très très bien. Je ne dirais pas la banane, je dirais plutôt la matraque. Ah, la matraque, la matraque. Chocoladine, Captain America, pour ceux qui ne savent pas. Comment vas-tu, Captain ? Salut à tous, bonjour Gandalf. Écoute, ça va bien et j'ai envie de dire comme chaque semaine, en avant Guingamp. Alors, je tiens pour commencer à saluer un de tes compatriotes, Tiger, c'est Vic Survivalist, qui est un auditeur fervent, visiblement. Il commande régulièrement, on l'aime bien, Vic. Hein. Donc, je tenais à saluer pour toute l'équipe, on tenait à saluer Vic. Salut Vic, on pense à toi, on te remercie de commenter à chaque fois. Hein. On lit ce que tu nous dis, c'est bien sympa. Et j'en profite pour dire aussi, pour remercier tous nos auditeurs pour leur fidélité, parce qu'on a eu des affres. Hein. Voilà, on se fait boucler notre chaîne YouTube, ils continuent à nous suivre, ils veulent nous entendre, bah, c'est bien, sympa les gars. Je vous remercie, on vous remercie tous. Rubrique numéro 1, autisme radical, sujet numéro 1 de cette première rubrique. Alors, ça m'a frappé ça. À Barcelone, manifestation géante pour l'accueil des réfugiés en Espagne. Alors je lis un extrait de l'article du Monde. Plus d'excuses. Point d'exclamation. Quelques 160 000 personnes ont manifesté samedi 18 février à Barcelone, selon la police municipale. Bon, on verra bien, hein, les vrais chiffres. Pour réclamer que l'Espagne accueille dès maintenant les milliers de réfugiés qu'elle s'était engagée à recevoir dès 2015. Le défilé était organisé dans le cadre de la campagne « Chez nous, c'est chez vous ». Casa Nostra, Casa Vostra, en catalan. Selon son site internet, elle avait été lancée par un groupe de personnes indépendantes, oui, très indépendante, hein, probablement, travaillant dans le monde de la communication en Catalogne, qui s'était retrouvée en mai 2016 dans les camps de réfugiés à la frontière. Réfugiés, non, c'est une escroquerie, ça. Les camps d'envahisseurs musulmans et autres. Voilà. À la frontière entre Grèce et Macédoine en tant que professionnel ou bénévole. Alors, Derek, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. C'est ouais, le petit caviar de la... Voilà. C'était ma petite surprise, hein. Tu m'en avais parlé. Voilà, il va y avoir des crasseux catalans, des espèces d'espingouins là, à tête plate. Bon, ben, écoute, c'est bien. Ils innovent, quoi. Ils font des défis. 160 000, c'est quand même pas mal, 160 000 personnes. Hein. En 2017, faire des défis de 160 000 personnes pour ce... Parce qu'on n'a pas assez de nègres ou d'arabes ou quoi que ce soit. Bah, c'est simple, pour plus de nègres, plus de musulmans, plus de terroristes, en fait, si tu veux. Ouais, mais c'est... Enfin, voilà, c'est... Ça démontre la qualité de ces gens-là, quoi. Barcelone, c'est une belle ville, mais... Ouais. Enfin, l'architecture, ouais. Quoi. Par contre, la faune qui y grouille, c'est autre chose. Hein. Non, peut-être que Marrakech aussi, c'est une belle ville, je sais pas. Moi, l'Afrique, ça a pris les Pyrénées, moi, mais bon. Fais gaffe, il y a des gens qui sont plus exigeants. Hein. Désolé, je sais. Non, mais mes origines raciales ne sont pas... douteuses, ne font pas rapport, question. Ne sont pas en rapport avec mon accent, si vous voulez. Mon accent est acquis... Voilà, mais l'inné, la qui plus... L'inné, voilà. La qui, la question. Ouais, l'inné, ça vient un petit peu plus de plus haut, hein, par chez moi. Mais bref, non. Ouais, mais... donc les Catalans en mode grosse gauchiasse. 160 000. Ouais. Alors, non, attends, selon la police municipale espagnole, bon, qui est sous contrôle de l'Amérique, il doit plus ou moins être un soviet de. Voilà. Mais bon, imaginons qu'il soit 50 000. Ça fait quand même 50 000 pelés qui veulent des nègres, quand même. Tu même vois. En France, on n'a pas ça, quoi. C'est-à-dire, non, oui. Personne manifeste. Ouais, t'as trois pelés là, qui vont soutenir l'autre enculé là, de Hérou à la frontière italienne, à Nice. Hein, donc. Mais putain, t'as pas de manif comme ça, quoi. Même avec nos ultra-gauchias de... Ben non, mais on n'est pas au niveau de ces putains de Catalans de... Enfin, voilà, c'est beau, quoi. Je sais, mais qu'est-ce qui leur prend, quoi? Qu'est-ce qui leur prend? J'ai quand même l'impression que que l'avant-garde de la gauchiasserie européenne, c'est l'Espagne. L'Espagne, peut-être pas, mais la Catalogne, peut-être, quand même. Oh non, l'Espagne, hein. T'as le mariage des PD et compagnie, c'est tout arrivé là-bas en premier, hein. J'ai quand même l'impression que l'Espagne, bon, c'est l'avant-garde de la gauchasserie, et t'as quand même tous les putains d'antifa de mes deux qui hurlent « No pas Saran », en espagnol. Donc j'ai l'impression que ça vient un peu de là. Et tous ces mouvements à la con, là, Podemos et compagnie, ça vient d'Espagne. Je sais pas ce qu'ils ont, les espingouins, mais apparemment, le franquisme, ils l'ont subi pendant 30 ans, mais ils ont pas retiré les meilleures choses. Bah, mais c'est même avant le franquisme, parce que du coup, le No Pas Aran, c'était à l'époque de la guerre entre les républicains et les franquistes. Non, c'est la guerre, c'était la guerre entre les communistes et les gens normaux. Oui, non, mais les républicains, bon, ça va de soi. Mais oui, les communistes et les gens normaux, effectivement. Pas Aran pendant 30 ans. Franco, il a gagné la guerre, non? Bah oui, c'est un slogan de perdant, effectivement, mais bon... Il y a eu toute cette mystique antifasciste de tous ces déchets raciaux qui sont allés se réfugier dans le sud-ouest, et notamment Toulouse, hein, voilà, cette ville de Satan, hein, voilà. Cette perle qui trône en plein milieu de du sud-ouest français, c'est une... Voilà, d'ailleurs, un de nos collègues, là, sur Facebook, nous a trouvé un beau spécimen de putain nègre. Toute ravie de faire étalage de sa folie avec des photos et compagnie, hein, voilà. Ça venait de Toulouse, bien entendu. Il fallait voir sa tête plate là, absolument horrible, qui laissait présager des origines effectivement d'au-delà des Pyrénées, à n'en pas douter. Fort bien. Bon, alors la Catalogne n'aura pas brillé de mille feux ce soir, non, c'est tout à fait clair. Voilà. Non, là c'est nickel. Bah, c'est ça, voilà, c'est l'Espagne, c'est bien. Enfin, c'est pas l'Espagne, tu sais, ils sont différents, on n'est pas les Espagnols, machin, on n'est pas pareil. Putain, tu parles. Ouais, à la fin de la journée, on veut tous des nègres, ouais, quand même. Ouais, et je crois que historiquement, en fait, la Reconquista, elle a été aidée par des chevaliers qui venaient du nord de l'Europe, notamment des gens qui venaient de l'actuelle Belgique. De l'Allemagne de l'Ouest, de Champagne, de l'actuelle Lorraine. C'est nous qui leur avons un petit peu des Germains, donné des Flamands, l'aiguillon, quoi. Je veux quand même stipuler que au Portugal, l'ADN moyen indique qu'il y a entre 3 et 6% d'ADN de nègre. Hein, et en Espagne, la moyenne est de 3%. Hein. Voilà, sachant que donc, c'est une moyenne. Hein, donc, De nègre ou d'arabe? De nègres. Ah ouais. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait très. Donc t'as des poches d'endroits où tu dois bien voir du 12%. Alors moi, d'après les infos que j'ai collectées, hein, les plus sérieuses, hein, sur la base d'études assez récentes, 2003, j'ai plus le nom des chercheurs, on a des poches locales au Portugal où ça monte à 20% de sang nègre. Hein. Ah d'accord. Donc c'est oui, ils ont été très enclés en métissage, hein, n'est-ce pas? D'après ce que je comprends, c'est que et l'Espagne et le Portugal, à une certaine époque, avaient beaucoup d'esclaves noirs. L'Espagne, à un certain point, je crois que c'était Catherine, la reine Catherine, a expulsé tous les esclaves noirs de l'Espagne, tandis que le Portugal les a pas expulsés. Voilà. Disons qu'ils n'ont plus d'esclaves maintenant, mais les Noirs sont plus là, mais je crois qu'ils sont là ils sont un certain pourcentage. Ils ont été métissés avec les esclaves. Il les garde avec eux, c'est ça. Bref, bon, voilà, la Catalogne, hein, ça vous gagne, hein, putain. Sujet numéro 2, Paris n'est plus Paris. Hollande répond à Donald Trump. Le président américain s'exprimait lors d'une conférence conservatrice ce week-end. Il parlait à ses troupes. Et il s'exprimait notamment sur les questions de sécurité, de terrorisme et d'immigration. Voici ce qu'il déclarait. La sécurité nationale, donc des États-Unis, commence par la sécurité aux frontières. Les terroristes étrangers ne pourront pas frapper l'Amérique s'ils ne peuvent pas entrer dans notre pays, a déclaré le président américain. Il a continué et il a donné en fait un témoignage personnel qu'il a recueilli auprès d'un de ses proches. J'ai un ami, c'est quelqu'un de très important. Il adore la ville lumière. Pendant des années, tous les étés, il allait à Paris avec sa femme et sa famille. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, Jim, comment va Paris ? Il m'a répondu, je n'y vais plus, Paris n'est plus Paris. Le président américain enchaîne, il dit, il n'aurait jamais raté une occasion d'y aller, donc aujourd'hui il n'envisage même plus de s'y rendre. Donc cette déclaration, donc à charge contre la réputation de la ville, la capitale française, ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, mais probablement d'un autiste, et c'est pourquoi il est cité dans la rubrique « autisme radical ». C'est l'oreille de François Hollande. Qu'est-ce qu'il nous dit, président? Oui, il faut le rappeler, François Hollande, président de la République française. Hein. Président de la République française. Alors, on l'écoute tout de suite dans ses propres termes et on se retrouve tout de suite. Alors, les amis, bon, bah, je le cite, hein, je reprends tel quel ses déclarations. Je ne ferai pas de comparaison, mais ici, il n'y a pas de circulation d'armes. Il n'y a pas de personnes qui prennent des armes pour tirer dans la foule. Alors. Alors, LOL. Alors, le Saiger, Bataclan. Alors, Saiger, ça te fait quoi vu du Québec, un président français qui dit non, en France, il n'y a personne qui tire dans la foule avec des armes automatiques en réponse à Trump. Moi, l'impression que j'ai, c'est l'impression des communistes. J'ai entendu un peu la même chose en Suède. C'est-à-dire que si les armes sont illégales, ça n'existe pas. Donc, évidemment, oui, il y a des gens qui tirent avec des AK-47 dans la foule, mais c'est des armes illégales, donc ça compte pas. Donc, c'est comme les Suédois qui disent « Non, il n'y a pas de crime en Suède parce que le crime est illégal. » Donc, évidemment, il ne peut pas avoir de crime. Ah oui, là, donc, c'est de l'autisme. Ouais, là, c'est clairement de l'autisme. Derek, mirobolant François Hollande, flamboyant à 2 mois de l'acquis, toujours plus haut, toujours plus fort. Il nous bluffe. Hein, Moi, il m'avait subjugué là. Je l'ai vu. Je crois que c'était au salon de l'agriculture. Il est arrivé devant les journalistes, tu vois. On lui a posé la question. Puis il était tout agité là, comme un dindon. Il tournait la tête dans tous les sens. Puis dès qu'il avait fini son truc, il est parti, tu vois. Mais l'air énervé, tu vois, comme si on avait insulté la France, tu vois, la République. Et je ne sais quelle autre connerie. Voilà, quel pitre celui-là alors. Il a vraiment honte de rien. Hein. Surtout quand tu vois ce que c'est cette ville où t'as des cartons entre les Kouachi, les trucs là, le Bataclan. Putain, mais faut avoir honte de rien quoi. Faut avoir honte de rien. Ouais, entre les Roms et les Entre les Roms et les attentes. En fait, c'est comme si quelqu'un lui avait. Enfin, à lui et à toute sa clique. Enfin, Trump lui a simplement. Lui a mis le nez dans le caca et ça sent mauvais. Donc, d'où la mine qu'il a faite, quoi. C'est tout. Ah ouais, hein. Non, mais il n'y a qu'à voir aussi les cars là, de touristes asiatiques. Coréens, là, coréens, là, pour le coup. Ouais, ouais non, mais c'est un petit peu de tout. Enfin, il y a déjà les consignes dans les aéroports. Que ce soit au Japon, en Chine ou en Corée, quand ils viennent à Paris, voilà, c'est attention, c'est Bagdad, quoi. Non, mais ouais. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais il y avait le syndrome de dépression parisienne. Quand les Asiatiques viennent à Paris, ils sont déprimés pendant quelques jours parce que la réalité est tellement différente de leurs attentes. Que ça fait comme une espèce de dissonance cognitive, là, comme on dit. Bah ouais, ils vont voir le château de Versailles, ils sont contents, puis tu sais, après ils vont se promener dans Paris, ils s'attendent à voir, je sais pas, des calèches, des trucs comme ça, un petit peu cliché, quoi. Puis d'un coup, ils tombent sur Traoré, quoi. moi, je m'inscris en faux, parce que Paris est quand même la plus belle ville d'Afrique. Ah bah, faudrait quand même pas l'oublier. Ouais, mais il y a des, comment ça s'appelle ? Il y a des une compétition entre Grigny, Aulnay-sous-Bois, voilà. Bon, on va y venir. Ouais, c'est ça. Ouais. On va y venir. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le fait que c'est quand même scandaleux que le président américain ose dire du mal de Paris, si bien gouverné par Anne Hidalgo et François Hollande. Moi, j'en suis encore tout ému, mais quelqu'un, MacDav ou quelqu'un d'autre, non ? Écoute, je crois que François Hollande, en fait. Je me suis dit qu'il va se planquer, il va attendre la fin de son mandat, il va en profiter pour bouffer des chouquettes et puis pour baiser sa maîtresse. Mais non, en fait, il faut qu'il se remette sur le devant de la scène. Non, il est temps qu'il dégage, ça devient fatigant. En fait. J'en ai même plus rigolo. Il a commencé avec Leonardo, il termine avec Théo et tu vois les leçons de morale à Trump. Tu vois, c'est du haut du Bataclan. Ouais, non, mais en fait, je crois que... On dit, ouais, c'est le pire président de la 5e République. Ah oui. Mais je crois qu'en fait, ça va vraiment rester dans les annales, quoi. En fait, c'est comme Néron, quoi. Je pense que dans 2000 ans, on en reparlera encore. Mais il n'en loupe pas une, quoi. Chaque fois qu'il faut faire une connerie monstrueuse, il l'a fait, puis il y va les deux pieds dans le plat. Ah, mais c'est vrai que ça s'inscrit dans la durée. Hein. C'est du début à la fin, quoi, comme tu as dit. Hein. Oui. Il est constant. Il est constant. Ah, ouais. Déjà, je me rappelle la première semaine, là, en 2012, son avion s'était pris la foudre. Carrément. C'était assez rigolo. Après, il se promenait partout, il allait faire des déplacements. Il était toujours sur la flotte, sans parapluie. Tu vois, c'était merveilleux, ça aussi. Et donc, là, ça a commencé comme ça, et puis ça finit par aller voir le nègre à l'hôpital. Parce qu'il a bobo au cucu. Hein et puis, ça fait des leçons à Trump. Non, mais c'est... Bon, mais voilà, bonjour. Une belle performance, 5 ans au top niveau. Bravo François Hollande, tu vas nous manquer. Ou pas. Alors, il faut quand même souligner qu'on a guillotiné Louis XVI pour moins que ça. Hein. Bon, moi je le précise, mais bon, pour remettre les choses en perspective justement. Voilà les amis, sujet numéro 3 de cette première rubrique et ensuite on passera à la rubrique suivante. Grigny, ce n'est pas la France. Cette déclaration d'Éric Zemmour a suscité la colère de cette ville du 91, à tel point que le maire communiste, c'est étonnant, a décidé de porter plainte. Alors, je cite un article comment dirais-je, de la presse française à ce sujet. Alors, là, c'est Éric Zemmour qui parle. Hein. La Grande Borne à Grigny, ce n'est pas la France, c'est une contrée où l'on n'est plus en France, où il y a un régime étranger qui s'impose. Ça, c'est ce qu'avait dit donc Éric Zemmour. Hein. Alors, du coup, le maire coco de la ville s'excite et il exige des excuses. Je refuserai toujours que l'on porte atteinte aux habitants, ne cesse de répéter le maire PCF de Grigny, Philippe Rio. Il y a quelques jours, l'élu a déposé plainte contre l'écrivain Éric Zemmour pour diffamation publique et provocation à la discrimination, à la haine et à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance à la religion et à un territoire déterminé. C'est quoi ce langage juridique? Ça ne veut plus rien dire. En cause, les propos tenus donc, que j'ai cités le 10 novembre à la télévision sur BFM TV, quand il faisait face à Eric Glucksmann, bientôt futur heureux papa d'un métèque immonde, immonde avec futur papa de l'antéchrist, hein. Voilà, c'est le diable quoi, qui arrive, hein. avec la chamelle, comment elle s'appelle la chamelle déjà, Léa Salamé, qui est, ah, oui. Oh. Particulièrement horrible depuis qu'elle est enceinte. Déjà c'était quelque chose avant, mais alors là elle a le masque, elle a le visage boursouflé, c'est une horreur. Oh la vache, putain, m'en parle pas. Alors donc, bon, vous avez entendu les propos. Alors, enfin, là, je vous les donne vraiment dans le détail. Voici ce qu'il a dit Éric Zemmour, en plus du propos sur le territoire étranger. La police française ne rentre plus, la loi de la République ne s'applique plus, et l'on est sous une loi qui mélange loi des caïds et loi islamique. C'est ça, la réalité, aujourd'hui. Donc, il avait rajouté ça. Et donc, alors, le maire coco suffoque, se convulse sur le sol, il exige des excuses, parce que c'est vrai, on se demande pourquoi Éric Zemmour a bien pu dire que la Grande Borne à Grigny, c'était quelque chose qui n'était pas la France. Peut-être parce que c'était l'Afrique. Non, mais je sais pas, hein, moi c'est l'impression que j'ai eue quand je suis allé là-bas, parce que c'est une des rares villes où, en Île-de-France où j'ai foutu les pieds. Et effectivement, ça... Je crois que cette visite, ouais, si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, le fait d'avoir foutu les pieds là-bas, ça m'a conforté dans mon envie, dans mon souhait qu'une bombe nucléaire tombe par là, un de ces quatre. Quoi. Je sais pas, hasard, qui, comment, pourquoi, je sais pas. Mais si ça pouvait arriver, bah, ça serait bien. Donc, Grigny n'est plus la France. Bah, vas-y, Fulbert. Au fait, le maire Coco s'appelle Philippe Rio. Et auparavant, ouais, vous avez parlé de Paris avec Anne Hidalgo. Ouais. Ce ne sont pas encore des descendants de oui, putain oui, de républicains oui, espagnols, oui, oui, tout ça. Eh oui, alors Rio, non, oui. Non, mais attendez, non, monsieur, non, mais je voulais pas, mais je suis obligé de le confesser. Rio est un nom breton, malheureusement. Tu es sûr? Rio, non, parce qu'il a quand même une tête plate, quoi. Moi, je sais pas, hein. J'ai un doute. Hein. Je sais pas, peut-être que le grand-père était breton et les trois autres quarts, c'est, je sais pas, tu mets ce que tu veux là-dedans, de l'Algérien, du Coco FLN, mes couilles, enfin je sais pas. Regardez son front, quoi. Tu regardes le front, comment il est, alors, par rapport au menton. C'est pas du Scandinave, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas ça, c'est certain. Mais ouais, il y a quelque chose. Il hein. y aurait les Non, mais sourcils attends, aussi. Il monte au créneau pour défendre l'honneur des habitants de Grigny. Oh. Ah ouais, ouais putain, attention quoi. Donc l'honneur des islamistes, des mecs qui tirent au mortier. Ah merde, en tout cas, bon, Éric Zemmour, donc, une nouvelle fois, poursuivi. S'il est condamné, c'est facile, s'il est condamné pour avoir dit ça, faudra faire des listes. Hein. Oh, mais il le saura, il le saura. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Alors, discrimination en raison de l'appartenance au territoire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce ouais, que ça veut dire? C'est n'importe quoi. Non, mais ce qui est marrant de voir, c'est qu'en fait, dire dans les médias et à longueur de temps que les blancs sont racistes, que les blancs ont fait, sont vraiment des gens méchants, intrinsèquement, d'un point de vue génétique, qu'on est des fils de pute et compagnie, ça, c'est pas de l'incitation à la haine raciale, c'est la liberté d'expression. En revanche, Zemmour qui dit que peut-être que dans certaines villes de France, il y aurait. Et là, c'est de la haine raciale. De suite, c'est. Peut-être que la France est en train d'être colonisée par des masses de nègres et de musulmans et que, par voie de conséquence, les territoires colonisés ne ressemblent plus à la France telle qu'on l'a connue jusque dans les années peut-être 60, 70 ou 80, ou même pour les plus chanceux jusqu'à aujourd'hui, dans les coins les plus ruraux. Donc, oui, effectivement. Alors, c'est marrant parce que Philippe Rio, sur son blog, il a écrit un article, c'est « Ramener la République dans les quartiers populaires ». Donc lui, il est quand même d'accord pour dire que dans les quartiers populaires, il n'y a plus la République. Quoi. Ça, alors, ça va, quartier ça populaire, passe. Attention, terme piégé, ouais. Pondu par ouais. Les trotskistes. C'est-à-dire le peuple, en fait, c'est les nègres. Quoi. Ouais, c'est ça. Quartier populaire, comprendre, là, il faut traduire. Ah, mais ça, c'est un exercice qu'il faut, mais il faut vraiment se forcer. Ah, il faut détruire la langue. Quand vous entendez quartier populaire, là, vous enlevez Olivier Besancenot de votre tête, vous voyez, et puis vous mettez le bon terme, enclave afro-musulmane. Et tout le monde comprend d'un coup ce qui se passe, vous voyez. Ça, voilà. Donc, quartier populaire, bah, vous pouvez parler même, enfin, afro-musulman, bon, là, on va mettre autre chose, enclave à nègre et à bougnoul. Voilà, bah, ça c'est clair, tout le monde comprend. C'est comme voilà. Justice sociale, raquette. Voilà, c'est pareil. Raquette pro-nègre. Voilà, bah oui. Ouais, on n'est pas sur immédiat, voilà. On peut utiliser les termes adéquats ici. C'est pas gênant. Oui, c'est-à-dire qu'on. Oui, voilà, n'ayons pas peur des mots. Le poids des mots. Alors, on n'a pas le choix avec des photos, mais au moins le poids des mots, c'est déjà pas mal, vous voyez. On a aussi le poids des nègres, mais bon. Alors, bon. Voilà pour notre rubrique comment on dit, autisme radical. Bon, la dose d'autisme était pas mal cette semaine. Rubrique numéro 2, chers amis. Alors là, c'est le sale nègre de la semaine. Alors bon, pas de surprise, vous savez à qui je fais référence. C'est monsieur Théo. Putain, pourquoi je dis monsieur mais c'est pourquoi, déjà pourquoi monsieur et déjà pourquoi Théo quoi. Ouais. Théodore. C'est le nègre Théodore Lua. Lua. Voilà, le nègre Lukua, ou Luaka. Alors, ou... je suis obligé de dire Théo Luaka, parce qu'il y a ses frères dans la magouille, maintenant. Ah, d'accord. Okay. Ou alors le cadet... Et la fratrie, là, dis donc. Oula. Ah, oui, bah oui, j'ai... Quelqu'un est possédé, là, attention. Je te vois, là, je te vois. Alors, source Le Parisien, je cite, hein. C'est une affaire qui embarrasse les autorités et jusqu'au plus haut sommet de l'État, effectivement. La famille de Théo et Théo lui-même se retrouvent au cœur d'une affaire financière, une enquête ouverte par le parquet de Bobigny en Seine-Saint-Denis pour suspicion d'abus de confiance et escroquerie en juin dernier, soit bien avant le viol présumé de Théo lors d'une interpellation brutale de février dernier à Aulnay-sous-Bois. Tout commence courant 2015 par un contrôle de l'inspection du travail d'Île-de-France concernant l'association Aulnay Events, dont le président est Michael Luaka, l'un des frères de Théo. L'association est censée avoir embauché 30 salariés formés pour être animateurs de rue. Qu'est-ce que c'est que ce truc, animateur de rue? Ah ouais, c'est bon. Oh. Le but d'Aulnay Events, lutter contre la violence dans le département. Putain, faut pas... Attendez. L'association aurait reçu entre janvier 2014 et juin 2016, donc en 2 ans, 678 000 euros de subventions d'État par le biais de contrats d'accompagnement à l'emploi, dit contrats aidés. Ah, ça, c'est un pur truc socialiste, les contrats aidés. Selon nos informations, les investigations des policiers du SPPJ 93 auraient montré que 8 membres de la famille Luaka, tous habitants à Aulnay-sous-Bois, ont perçu de l'association plus de 170 000 euros par virement, dont 52 000 euros sur le seul compte de Théo, donc la victime. Hein. La victime. Contacté contacté par... Et maintenant un saint, il a été sanctifié entre-temps. Contacté par Le Parisien, Michael Louaka se défend d'avoir employé des salariés fantômes, précisant avoir recruté en CDI plus d'une trentaine de salariés, dont les membres de sa famille. Tiens, comme Fillon, putain la vache, il se passe le mot, les mecs. Alors, qui veut réagir là-dessus sur Théo, qui était le martyr absolu de flic qu'il avait violé sauvagement avec une matraque, dont on a su ensuite, enfin, c'est très peu rapporté par les médias, ça, dont on a su ensuite qu'il n'y avait pas du tout de viol, c'était complètement bidon. Alors maintenant, en plus, c'est un escroc avec, sa, avec toute la bande, avec toute la tribu, pratiquement 700 000 euros en deux ans. Ouais, putain, 700 000 euros, c'est vrai, c'est... À ce niveau-là, c'est des cannibales, hein. Ah bah, c'est... ouais, effectivement. Bah, ah ouais, non, que 700 000 euros, ouais. Au niveau de ce qu'on reproche à Fillon et sa femme, c'est de, donc depuis les années 90, hein, ou même depuis le début, ça atteint 400 000, 500 000. Là, eux, en deux ans, c'est 670 000. C'est un truc de fou, quoi. Je crois que Fillon, c'est 1 million. Non, il fait, Fillon fait le million, million, mais il fait le Allez, il, ouais, ouais, mais il fait mais le million sur 30 ans, quoi. Sur, voilà, sur 15, ouais, ans. Non, sur, ouais, sur 15 ans. Et là, c'est là que tu vois... Putain, c'est ça qui est surprenant. Toi. Quand les nègres, ils veulent, ils peuvent. Ils arrivent à être productifs. Ben ouais, enfin ils sont pas productifs. En fait, on a mis le doigt, on a mis le doigt là, sans faire exprès. Ben, du coup, avec le coup que le nègre soit fait attraper par les flics et qu'il ait fait du bruit, maman bobo cucu, on a le doigt sur ce qu'est la machine électorale du Parti socialiste. Ouais. C'est-à-dire, on prend un nègre, là, on lui dit bon, le nègre, t'as combien de frères et sœurs? T'as 8, 10, ok, c'est bon. Bon, on va te filer 500 000 balles. Putain, le mec, il est là, il regarde, et qu'est-ce qui se passe, les 5000 balles? Ah ouais, ouais, d'accord, c'est bon, impeccable. Et voilà, bah, tu veux, et puis tu fais voter pour nous, hein, et puis après, ton association, on s'en fout, tu embauches des CDI, les mecs seront au chômage, c'est l'État qui paye, donc parce que les 600 000, c'est ça, hein, c'était, le mec, il a fait 30 CDI pour rien, hein, et les types, après, ont bien été au chômage quand l'association a... s'est ouais. arrêté. Donc c'est... Allez, il faut au moins doubler le pognon que ça nous a coûté. On est au million, facile. Donc, et on comprend pourquoi, du coup, peut-être Hollande est allé là-bas. Parce que peut-être le frère, il a dit, putain, mon frère, il s'est fait enculer, machin, vas-y, la compte ta mère, je vais tout balancer. Et moi, je vois ça comme ça. Parce que c'est pas intelligible, le fait qu'il soit là-bas. Même s'il est con comme une valise, ça pouvait pas. Mais Hollande, il est pas con comme une valise quand même, si. Oh, enfin bon, il y a quand même. Ah, si, ouais, on en a parlé tout à l'heure, mais. Ouais, voilà, il est franchement con. En fait. Mais l'affaire là en question est proprement scandaleuse et devrait mener un coup d'État dans un pays qui serait sain. Parce que comment se fait-il que ce type-là qui sorte de nulle part, tu vois, enfin de nulle part, si, qui sort du trou du cul de l'Afrique, on lui file plus de 600 000 balles à gérer. Comme ça, tranquillou, et puis que son frère se retrouve avec 50 000 euros par virement sur son compte personnel. Ça se passe bien, ouais. Ben, je sais pas, vous, pour 50 000 balles, si vous les ramassez comme ça tous les matins, moi non, quoi. C'est pas des petites sommes, quand même. Hein. Ouais, ben, d'ailleurs, c'est marrant, parce que l'association, parce que c'est une association qui emploie 1900, c'est pas vraiment une entreprise. Donc, ce qui est beaucoup plus facile pour blanchir du pognon et puis pour arnaquer les gens. Donc ouais, enfin 600 000 sur 30 CDI, ça fait 20 000 par tête de pipe. Et ouais, c'est, en fait, ça correspond aux aides à l'emploi. Donc c'est juste pour le financement de la formation. Tu rajoutes à ça. Formation de quoi? Il y a pas de formation. Non mais c'est normal, je veux dire. Non mais c'est pas. En fait, je sais même pas si c'était de la formation, c'était juste pour des emplois. Pour faire la paix dans les quartiers, effectivement, c'est le racket, quoi. C'est le racket autorisé et légalisé. Oui, c'est ça. Et en plus, à mon avis, il faut quand même des prête-noms pour ça. Donc, à mon avis, derrière ça, il y a tout un réseau de nègres qui vont chercher leur pognon. Enfin, ça doit être énorme. Et puis, à mon avis, si c'est une association, en fait, je crois qu'une association, ça ne peut pas vivre uniquement que de subventions, tu vois. Faut quand même laisser une trace de cotisation. Et derrière la cotisation, moi, je serais pas étonné qu'il y ait du blanchiment de trafic de cam. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que le fameux Théo, là, il a été pris la main dans le sac. Ouais, il a empêché les policiers d'arrêter un dealer. Ouais. Exactement. Donc, à mon avis, derrière ça, il y a du gros, gros réseau. Mais ce qui est terrible, c'est que tu pourrais dire, ah, les mecs, ils sont... ils ont une certaine forme d'intelligence pour enculer l'État français comme ça, à sec, pour autant de pognon. Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est juste... Enfin, s'ils arrivent à nous escroquer, c'est uniquement parce que nous sommes bêtes, c'est tout. Ça va au-delà de ça, c'est qu'il y a t'as quand même le PS et la machine administrative qui sont dans les magouilles, attention. Voilà, je suis sûr qu'ils doivent leur faire des business plans pour leur bise de cave, quoi. C'est gros coq, ouais, c'est gros comme maison. Le truc, il est vraiment. Ah, c'est ça, dobé... c'est très ah, il est dobé du cul, machin. Il ah, parce que si t'as plus de 600 000 balles comme ça, un mec là, qui sort de nulle part, hein, c'est pas normal, quoi. Enfin, je sais pas, il y a juste une enquête pour détournement de fonds, voilà, juste sur lui. Mais qui lui a filé le pognon, quoi? Qui lui a filé le pognon? Ouais. Vas-y, Tsaker, vas-y. Ouais. Non, je disais juste ce genre de programme-là, les contrats aidés, même si on élimine l'aspect corruption, c'est quand même un attaque du gouvernement contre le peuple. Ici, au Québec, on a un programme semblable là, et il est probablement mieux géré. Là. Je crois pas qu'il y ait de corruption de ce genre-là, mais même à ça, j'ai une anecdote intéressante. Là, où, c'est-à-dire que mon frère travaille dans un restaurant où deux cuisiniers sont des étrangers et leur salaire est payé par le gouvernement. Donc, des étrangers, par contre. C'est des musulmans criminels, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de prison et ils ont comme aucune capacité à avoir un emploi normal parce que, évidemment, il n'y a personne qui va engager un ex-criminel violent pour travailler dans leur cuisine. Ah bon? Et donc, mais là, les restaurants ont un avantage à engager ces gens-là, qui sont des pourritures. Malgré tout. Et l'anecdote, c'est que récemment, un co-travailleur de mon frère s'est fait attaquer par ces deux cuisiniers-là. C'est-à-dire que lui, c'est un ami qui est aussi un cuisinier. Et il y a eu une petite dispute. Et les deux cuisiniers, qui sont père et fils, là, ils sont dans la même famille de musulmans, ils l'ont physiquement attaqué, ils l'ont frappé devant les caméras de sécurité. Ils l'ont comme étranglé et tout. Ça a duré comme un bon bout de temps. Et le restaurant les a pas renvoyés. Ils disent, oh non, on va ignorer ça parce qu'ils veulent continuer à avoir des employés payés par le gouvernement. Donc c'est complètement débile. Ah, mais les mecs, c'est le genre de scénario que ça crée, là, des trucs de contrats aidés comme ça. Ah, ben les mecs, ils sont là, ils font ce qu'ils veulent. Puis quand ils vont en prison, il faut les voir, ils se font des lives sur Periscope, ils s'amusent, et compagnie, ils jouent au billard, ils fument, ils se font des bonnes bouffes. C'est putain de parasite ultime, quoi. Merci, le socialisme, c'est... Les miracles du socialisme. Il y a les miracles du Coran, puis il y a les miracles du socialisme. Et puis si ça va pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de socialisme. Vous voyez, voilà, effectivement. Ou peut-être Coran. Ou pas les deux. Enfin. Non, d'après toi, Zeiger, c'est quoi le pire ? C'est Trudeau ou Hollande ? Ou est-ce que c'est similaire ? Ouf, ça dépend de quelle perspective, là, mais Trudeau... je crois que les deux sont assez incompétents, mais malheureusement, Trudeau a un certain, un certain charisme qui est agréable pour les espèces de femmes de maison, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui le considèrent beau garçon, ou en tout cas, il sait comment parler pour faire en sorte que les gens se sentent bien, dire « Ah, oh, on est tellement progressif », tandis que Hollande, il me semble plus comme un bouffon. Donc, Hollande, il y a une grande qualité, c'est que les gens le détestent et ils veulent le remplacer le plus vite possible. Tandis que Trudeau, la plupart des Canadiens l'aiment bien. Hein. Je peux pas comprendre pourquoi, mais je crois qu'il aime avoir une espèce de d'homme bêta efféminé. Ça renforce leur image de soi. Le fils illégitime de Fidel Castro, quand même. Hein. Ouais. Désolé, mais c'est le fils de Castro, hein. C'est sûr. Hein. C'est ceux qui croient pas, ils tapent Google Images, Trudeau Castro, regardez, vous regardez la gueule du père de Trudeau, le vrai père soi-disant, non, il s'est passé des choses, et la mère de Trudeau, allez voir Castro, donc voilà, faut pas trop chercher, bon, bref. Rubrique numéro 3, chers amis. On n'a pas tout dit. Ah, vas-y, Fulbert, vas-y. Il y a un curieux article qui est sorti sur le blog de Mediapart. Et cet article est écrit par un Congolais du nom de Freddy Moulongo. Et Freddy Moulongo explique ceci, il dit ceci, il écrit ceci. Le silence assourdissant, la phonie sidérante de Thomas Louaka, apparatchik du régime d'imposture de Kinshasa et patriarche de la famille Louaka, est incompréhensible au sein de la diaspora congolaise. Des interrogations fusent de tout partout, sans doute repu par la dictature tyrannique et sanguinaire qu'il sert pour l'ancien rebelle du MLC. La famille ne compte pas trop. Bref, ce Freddy Moulongo pointe la parenté qu'il y aurait entre un ministre des infrastructures, je crois, de l'ex-Congo belge et la famille Louaka. C'est assez étonnant, la nouvelle est reprise à plusieurs endroits. Ah, certains ouais. présentent d'ailleurs le frère, écoutez bien, parce que c'est du nègre, il faut s'accrocher, le frère de Théo, Michael, serait le fils de ce ministre. Je ne comprends pas pourquoi, dans ce cas-là, Théo n'est pas le fils du ministre aussi, puisqu'il est le frère de Michael. Ou alors, Mama Louaka, bon, elle a pondu dans tous les coins en fonction du coq qui se présentait, je ne sais pas. Et bon, c'est assez bizarre, il faudrait peut-être qu'un spécialiste des négreries, des familiarités nègres s'exprime. Ouais, moi, je parce que bon, ça n'a pas trop été repris, effectivement, cette news, à part la source originale qui est ce type de Mediapart. Qui est apparemment un journaliste d'opposition. Hein. Le type est bien marqué politiquement. Et, ouais. Et ce qui a. Le journalisme en Afrique, hein, bon, déjà nous les nôtres, ils sont pas. Hein, c'est pas idéal. Mais là-bas, en gros, tout est bon pour raconter n'importe quoi. Donc, même s'ils voient le deux noms de personnes qui se. Les deux personnes qui portent le même nom, automatiquement, c'est son neveu et compagnie. Quoi. Ils font vite des raccourcis pour salir l'un et l'autre en fonction de leurs intérêts. Donc, bon, peut-être que c'est ça, effectivement. Peut-être qu'il y a une piste à voir là-dedans. Mais c'est pour l'instant assez incertain. Oui, ouais, il y a le téléphone arabe, mais il y a aussi le téléphone nègre. Hein. C'est-à-dire que dans ces tribus-là, ils se connaissent tous aussi, t'as vu. Ouais, Non, quand même. Ça aurait été repris un petit peu plus partout que par ce journaliste qui a l'air quand même particulièrement ouais, mais marqué ça au niveau politique. Ça, mec, ça parle d'une dictature horrible, machin et tout, tu vois. Oui, bon, dire ouais. que le Congo est une dictature, c'est oui. Mais bon, tu penses que ce type-là n'est pas, enfin, il veut juste faire la même chose. Non, mais avec écoute, ses copains. Il y a un point qui pose question, c'est pourquoi ouais, Hollande pourquoi se précipite au pied du trou du cul d'un nègre. C'est ouais. là, ça pose question, tu vois. Oui, non, mais tout à fait. Peut-être que le nègre en question, il valait peut-être un peu plus que le nègre moyen. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a du truc, effectivement, type France-Afrique. Je pense, moi, plutôt que c'est juste un truc pour tenir les banlieues. Les banlieues africanisées, avec le frère qui a dû faire caca partout en appelant le député socialiste et lui disant la conne ta mère, je vais tout balancer si vous ne faites pas de truc pour mon frère, la conne ta mère, encore une fois. Ouais, enfin, ouais, je suis d'accord, mais de là à pouvoir déplacer le... Parce qu'on peut déplacer un député-maire, un préfet, machin, le président de la République, tu vois, c'est... Mais bon, après, on n'est pas dans le secret des dieux, donc... Le président de la République, François Hollande. Donc, voilà. Faut relativiser, quand même, hein. Relativisons. Rubrique numéro 3, chers amis. Alors là, c'est la polémique de la semaine, c'est l'affaire Mehdi Mekhlat. Ah. Mehdi Mekhlat, voilà. Alors, rentrons dans Supra les détails. Bouilloule. Supra bougnoule mental. Ah, il a une tête à claque avec sa putain de casquette. Alors déjà, les casquettes vissées sur le crâne avec les oreilles. La casquette blanche avec les motifs en couleur dessus. Tu sais, la casquette en l'air comme ça. C'est très dur, c'est très dur. Ah, ça donne envie de faire de l'Algérie, de la transformer en parking, quoi. C'est la virilité afro-bougnoulique. Ah non, mais c'est le gogol mental ultra arrogant avec sa tête de client qui... Non, c'est pas supportable. Je pense pas qu'il soit gogol, hein. Le mec est assez... Il a fait son trou, hein. Il est malin, c'est-à-dire... Vu... Ouais. Bah oui, il est malin, il a vu ce qu'il fallait pour aller à la France Inter, mais vas-y, je te laisse présenter le sujet, quoi. Alors, le monsieur algérien né à Clichy, je crois qu'il est sur France Culture, c'est ça, ou France Inter, Non, France Inter. France Inter. Non, mais c'est pareil, de toute façon, c'est que des radios communistes là-dedans. Alors... Alors Pascal Clark, l'immonde Pascal Clark, mais elle est immonde, sa voix est dégueulasse. Dans sa tête. Alors elle le défend, elle l'a défendu. Alors de quoi s'agit-il? Pourquoi Pascal Clark, donc, qui intervient, animatrice sur France Inter, très connue, pourquoi intervient-elle? Parce que Mehdi Mekhlat, sur Twitter, pendant très longtemps, via un pseudo qui s'appelait Marcelin Deschamps, donc le nom d'un sale français de souche de merde, hein, parce que voilà, un sale français, quoi, tenait des propos racistes, antisémites, misogynes, homophobes, tout ce que vous pouvez imaginer, antisémites, vas-y que je te... Par contre, pas islamophobe. Ah, alors là, il n'y a pas une critique de l'islam. Très récemment, il posait encore avec son comparse nègre, hein, je crois qu'il y a une espèce de nègre avec lui aussi, avec Taubira. Taubira, ah, hein, ah oui, il faisait la couverture de je ne sais plus quel magazine encore, je crois que c'est les Inrocks ou autre chose, je ne sais plus. Alors, Mehdi Mekhlat prétendait incarner un français souche du nom de Marcelin Deschamps, qui tweetait des messages ouvertement outranciers. Il était suivi par toute la galaxie des intellos gauchistes des médias et de la politique française de gauche et d'extrême gauche. Alors, je vous cite, hein, en vrac, parmi les tweets qu'il faisait, alors que personne ne l'avait identifié au départ, c'est-à-dire que ce n'était pas grand public. Hein. Il tweetait ça, c'était un secret de polichinelle, ils rigolaient tous en loose day dans les rédactions, et voici ce qu'il écrivait. Juste, attends, Pascal Clark était au courant, hein, cette juive qui est tout le temps en train de monter au créneau dès que... Hein, s'il y a une Sophie Leclerc, hein, qui met une photo de singe avec Taubira, ma foi, une photo de singe et Taubira, ouais, je sais pas, ça peut quand même... Il y a quelque chose. Hein. Là, c'est absolument abominable. Mais là, ouais, je te laisse nous faire un petit peu le résumé des tweets. Alors, du Zozio. Alors, il y en a beaucoup, hein, parce qu'il avait 50 000 tweets qu'il a supprimés en une nuit quand ça commençait à faire la polémique. Voici ce qu'il a dit notamment. Il croise Éric Zemmour qui prend en photo dans le métro. Il dit j'aimerais tellement lapider Éric Zemmour. Qu'est-ce qu'il fout? Alors, texto, hein. Qu'est-ce qu'il fout là, ce con? J'aimerais tellement le lapider. Et on voit Éric Zemmour qui est en train de regarder son téléphone portable dans le métro. Pour l'Aïd, je vais égorger Brigitte Bardot dans ma baignoire. Voilà, tu vois le. Donc la satire. Là, on est dans la caricature du français raciste. Hein, vous comprenez? Parce qu'il a dit ça comme. Comme excuse, il a dit « Oui, mais en fait, je faisais mine d'incarner un Français raciste qui avouait son racisme. » Alors, effectivement... C'est intéressant, parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui le touche, hein, ça. Je crois qu'il a dit... Oui. C'est pas que je crois, c'est qu'il a dit la même chose pour Natacha Polony, donc qu'il traitait de sale pute. Et qu'il voulait faire d'elle son mouton de l'Aïd. Donc, effectivement, voilà, exactement. Ouais. C'est surprenant pour eux, effectivement, une performance de vouloir se faire passer pour un Français de souche. J'ai du mal à comprendre. Alors, sur Facebook, en fait, il a été interrogé par la journaliste du Figaro, Eugénie Bastier, qui lui a demandé bon, le pourquoi du comment à l'époque. Il avait répondu « Je ne vais ni m'expliquer ni m'excuser. Je dis ce que je veux, quand je veux, où je veux. » Dis à toute ta bande de fachos qu'ils commencent à me casser les couilles. Arrête de faire de l'humour avec moi. Pas envie de rigoler avec des islamophobes de merde. Donc c'est rigolo, il n'a pas envie de rigoler en fait. Et surtout pas avec des islamophobes, comme il appelle ça. Alors, à propos de l'émission d'Alain Finkielkraut, hein, donc le philosophe juif maintenant membre de l'Académie française, l'émission réplique de Finkielkraut est une émission facho-islamophobe. Honte à France Culture de lui laisser l'antenne chaque semaine. À Arnaud Klarsfeld, que vous connaissez, hein, le fils du couple Klarsfeld. Toi, nique ta race autant que faire se peut. Voilà. Moi, j'y arrive, excusez-moi. Une fois découvert, voici ce qu'il déclare. Je m'excuse si ces tweets ont pu choquer certains d'entre vous, ils sont obsolètes. mais c'est bien, sympa. Quoi. Ça me Alors, parle, à noter. C'est ce qu'on va dire, nous aussi. On va dire nos émissions sont obsolètes. Voilà, je savais pas, c'était de l'humour, hein. c'était transgressif. Alors, à noter qu'il posait en photo pour faire la publicité du CCIF, Collectif contre l'islamophobie en France, qui est une antenne des Frères musulmans et de l'UEIF, on va pas revenir sur les détails de cette organisation. Alors, donc, il avait été sélectionné comme étant vraiment l'étoile montante des chances pour la France émanant de ces quartiers-là. Effectivement, il faisait ton sur ton, Mehdi. Il n'y a pas photo. Bah c'est bien, oui, c'est ça, lutter contre l'islamophobie en France, c'est juste, c'est faire acte d'invasion, c'est tout. Hein. Alors, comme je dis, il est des tweets contre les femmes, les juifs, les blancs, bref, tout le monde y passait, mais pas contre l'islam, ni les musulmans. C'est très étonnant pour un Français raciste. Et toute la presse de gauche est montée au front pour prendre sa défense. Hein. Ils ont dit « Oui, mais vous comprenez... » Donc Pascal Clark, mais il n'y a pas qu'elle, il y en a eu d'autres qui ont dit « Oui, mais vous comprenez... comment dirais-je, c'est une mise en perspective, etc. » Tu vois, il y a eu tout un jargon, machin. Alors le mec, au départ, il a dit que c'était satirique. Ensuite, il a dit « Oui, je sais pas, j'ai un double maléfique, il a dit. C'est un double maléfique qui s'est emparé de moi. » Genre, le mec, il a plaidé la schizophrénie, quoi, le bougnoul. Et puis finalement, il a conclu la polémique en se tirant en Algérie. Il a dit « Ouais, bon, je me casse. » il est parti. Il a dit, et ça, il reste. Et c'est quand même une très bonne nouvelle, quoi. Un arabe en moins. Bah, le truc, c'est marrant, parce que ces types-là, tu vois, ils sont payés par les médias d'extrême-gauche et toute la vermine socialiste qui grouille dans toutes ces radios d'État pour dégueuler sur les Français à longueur d'année. Les mecs, ils te disent « Ouais, vas-y, je nique ta mère, moi, putain, c'est nous les patrons, etc. » Putain, ils jouent les courageux, tu sais. « Ouais, nous, on est les durs, qu'est-ce que tu vas faire ?» Le mec, il a une polémique sur ses tweets, le mec, il prend premier billet direction Alger, tu vois. Et moi, j'aime bien, c'est les juifs, là, comme Pascal Clark, qui font tout contre nous, qui voulons juste les foutre dehors, hein, à eux et leurs copains. Par contre, eux, défendre les gens qui vont tuer soit eux, soit leurs enfants, soit leurs petits-enfants, ça ne pose pas de problème. Non. C'est vraiment un peuple spécial, quoi. C'est spécial. Ouais. Là, Pascal Clark, qui était au courant des trucs et qui le défend, en plus, c'est pas sur 6 mois, c'est 5 ans. Hein. Pendant 5 ans, il a fait 12 000 tweets. Je sais pas si vous voyez ce que ça représente. Hein, 50 000 autant pour moi. Non, c'est 50 000 tweets qu'il a effacés. Et le premier, il date de 2010. Donc le type, il a pas 30 piges. Ça fait 7 ans qu'il fait ça. Donc, voilà, quoi. C'est un bougnou, les nœuds, comme il y en a des centaines de milliers en France. Tu veux dire c'est un patriote musulman qui lutte contre l'islamophobie. Il faut remettre les peut-être, choses comme il faut. Faut pas appeler à la haine comme ça, c'est pas bien. Ouais, ça fait le jeu de Pascal Clark, effectivement. C'est dramatique, mais bon, on est déçus, on a perdu une étoile montante, là, hein, clairement. Je pense que, bon, ils vont pas mettre très longtemps à trouver un nouveau... Parce que là, ça fait beaucoup, quand même. Parce qu'il y a aussi l'assistant parlementaire d'un sénateur socialiste qui a été pris la main dans le sac en train de consulter, je crois, enfin de faire l'apologie du djihad, je crois. Alors le mec, comme excuse, il a dit « Je condamne l'État islamique, ils n'ont rien de musulman ». Donc le mec est adepte du djihad, mais il condamne les djihadistes, mais ils ne sont pas musulmans. C'est particulier quand même. Ils ne font pas le djihad de la bonne façon, quoi. Il va donner des leçons de djihad. Voilà, tu fais le djihad, mais t'es pas musulman. Enfin, bon, donc on a eu l'assistant parlementaire foireux. Et Théo, bon bah grosse déception sur Théo. On avait misé lourd Hollande aussi. Bon bah là, ça s'est encore foiré. Attends, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Mais on était parti sur Mehdi qui était en troisième. Et là. Et je terminerai là-dessus avant la pause. Attends, tu as oublié le nègre qui est le compatriote de... Enfin, le compatriote, je crois que c'est un mec qui vient de l'Est de l'Afrique et qui est le mec qui écrit les bouquins avec Mehdi, là. Putain, il a une gueule de nègre. Et lui, c'est du même acabit, mais il a l'air d'être un peu plus discret. Et il est plus con. Il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est qu'il a écrit je crois qu'il a monté une maison d'édition avec l'espèce de loukoum sur pâte Mouloud Achour qui doit faire au bas mot un quintal et demi d'huile de... Vraiment, il est dégueulasse. Hein. Tu vois, ce putain de bougnoul doit laisser des traces de gras sur son passage. Et le nom de la maison d'édition, c'est les éditions du Grand Remplacement. Donc en fait, les mecs s'en cachent même plus, quoi, tu vois. Ils annoncent des choses carte sur table. Ouais, tu vois, mais c'est là que tu vois, c'est vraiment des hypocrites, ils sont là. Mais c'est ces gens-là, ils sont comme ça. C'est des hypocrites parce qu'ils savent qu'ils sont, en fait, ils savent qu'ils tiennent pas la marée en combat frontal. Donc c'est constamment par la, c'est des gens sournois, ils sont faux. Mais ils se foutent de notre gueule en longueur d'année. Mais comme il y a des connards gauchistes pour leur cirer les pompes H24, bah les mecs ils s'amusent. Et puis tout d'un coup le truc il sort, ça sort un petit peu de leurs égouts, ça déborde. Le grand public a un écho et tout d'un coup, là c'est le drama, quoi. Tout le monde s'écroule. Taubira nous a fait un tweet, mais celle-là, faut qu'elle arrête d'écrire. Hein. Il faut qu'on arrête d'alphabétiser les nègres. Il faut arrêter ce truc-là. Non, mais Taubira, c'est celle qui te fait regretter la colonisation, quoi, clairement. Mais c'est insupportable de faire autant de mal à la langue française, tu vois. Je veux dire, la langue française n'a pas mérité ça, tu vois. Elle est là, elle te fait des trucs. Et puis, tu sais, c'est comme des sapeurs au Congo. C'est la même chose, tu vois. Je veux dire, ils ont des vêtements, ils ne savent pas trop comment faire. Ils se les mettent de partout, c'est du clinquant. C'est pareil, mais avec des mots. C'est pareil avec des mots, quoi. Et Taubira, horrible, quoi. Bon, bref. J'enchaîne sur la rubrique numéro 4, mais qui fait jonction, avant d'enchaîner sur la pause, la beurette de la semaine, Oulaya Amamra. Alors, vous allez me dire... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Consacré meilleur espoir féminin des Césars 2017 pour le film Les Divines. Elle était, je crois, réalisatrice, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas, actrice peut-être, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas, enfin bon, elle était dans la bande. Alors, de toute façon, alors Les Divines, bon, déjà le nom, tu vois. Bon, c'est l'histoire de Boukak en banlieue, c'est un truc de merde. Il y a des Arabes et des Noirs, ils sont là, ils sont sympas, c'est difficile. Ouais, c'est bien, la vie est dure, mais on y arrive quand même. C'est même fil qu'ils nous mettent depuis 10 ans, toutes les années, ça change un petit peu, mais voilà, c'est toujours pareil. Exactement. Alors, elle s'est fait gauler par la police. Aussi parce que elle avait des petits tweets un petit peu rigolos. Alors vas-y, la Derrick, c'est pour toi. Là, il y en a un du 23 avril 2012. Ouais, c'est faut remonter un petit peu, effectivement, mais comment dire, ça nous met ça, c'est du rap de sale nègre, quoi. Tu vois, donc c'est la beurette adoubée par les Césars, et puis. Finalement, voilà, les sales nègres. Quoi. Donc, bravo. Les sales nègres, voilà. Bravo, pour une fois qu'une beurette n'est pas une beurette. Je t'arrête tout de suite. Hein non, je t'arrête tout de suite. Oui, effectivement, elle n'aime pas les nègres. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de maghrébins qui n'aiment pas les nègres. Mais ouais, j'enchaîne. Mais en général, les beurettes, tu vois, c'est ils aiment bien les négros. Quoi. Donc, ouais, pas toutes. Il y a des beurettes à Hell, mais il n'y a pas que ça. Pas que ça. Alors, le 22, c'est-à-dire le jour d'avant, elle écrivait ceci. Donc, c'était le 21 avril, c'était les élections. Il y avait eu, je sais pas pourquoi, peut-être un score, je sais pas, pour le Front National. Je crois que Marine Le Pen avait fait 18 ou quelque chose comme ça, ou 19, je sais plus. Voici ce qu'elle écrit. Putain, 20% de cette putain de France est raciste. Donc, le 22, elle écrit 20% de cette putain de France est raciste. Le 23, elle écrit putain, c'est du rap de sale nègre. Donc, là. Ouais, et le 22 avril, jour d'élection. Hein. Voilà, ouais. Ça révèle tout de leur hypocrisie, leur schizophrénie. C'est-à-dire que tout le monde sait très bien que les Maghrébins, beaucoup de Maghrébins méprisent les bamboulas, c'est clair. Mais alors, dès qu'il s'agit de se rallier contre les Blancs, on est tous frères, on est tous des oppressés, des racisés, c'est le nouveau terme maintenant, les racisés. On est racisés contre notre bonne volonté, monsieur, dame. Oh là là, c'est beau. C'est magnifique. Alors, comment dirais-je? Alors, sur la page Facebook de la réalisatrice de Divine, en plus de tout ça, on retrouvait un dessin au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, laissant entendre que l'attentat était une manipulation judéo-américaine ou américano-sioniste pour persécuter les musulmans. Attends. En utilisant des terroristes djihadistes. Attends, tu veux dire qu'il y a des Arabes complotistes? Ouais. Oh là là, c'est, je suis surpris. Tilus Crus. Ah, mais c'est pourtant... non, mais pourtant, c'est des victimes éternelles, quoi. Ils sont coupables de rien, innocents de tout. Alors, pourquoi, comment, quoi? Ouais, je sais pas. Il faut voir l'image, elle est bien, tu sais. T'as l'oncle Sam qui manipule un djihadiste, et puis derrière, t'as un juif avec une étoile de David sur la tête qui rigole. Ah, je crois que c'était un visuel de Zéon, il me semble. Ah, mon dieu! Alors, j'aime autant vous dire que quand t'es réalisatrice et que t'es antisémite, qui était anti-juive et anti-sioniste. En France, ça va être compliqué pour trouver des fonds. Je pense que ça ah va bah, être... elle a eu son César, je pense que là, c'est fini. Ah, ça dépend, parce qu'après, la démographie, ça évolue. Parce qu'avec les Pascal Clark, on sait jamais, tu vois. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, il y a certains juifs qui ont envie de se faire chouatiser la gueule, donc elle a peut-être effectivement ses chances. Ouais. Oh là là. Bon, alors, on se quitte, on se fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Deuxième partie, on va discuter de l'actualité au Québec avec Tiger. On va parler un petit peu des États-Unis et je pense qu'on aura des choses intéressantes à dire. Pause musicale, les amis. Look away, look away, look away, Dixieland. I'm bound to travel. Look away, look away, look away, voici pour cette deuxième partie d'émission avec notre invité de la semaine. Vous l'avez entendu, hein, c'est Tiger. On est heureux de retrouver et on va parler avec lui du Canada et du Québec parce que comme vous le savez, enfin ceux qui nous entendent, je pense que vous en avez eu vent directement ou indirectement. Il y avait eu un attentat ou une attaque contre une mosquée. C'était dans quelle ville, Tiger, où ça s'est déroulé ce truc? C'est dans la ville de Québec, donc c'est la capitale du Québec, si on veut. D'accord. Et donc, alors, il y a eu plusieurs versions contradictoires dans les premières heures du truc. Au début, il y en a qui ont cru qu'ils avaient entendu Allah Akbar et qu'ils étaient deux. Et puis, en fait, il n'y en avait qu'un, c'était un étudiant nationaliste. Alors, moi, je regardais les news du Québec francophone, hein, enfin, langue française québécoise. Alors, évidemment. Alors, il y a des nuances par rapport à la propagande française. C'est assez similaire. Mais je dirais il y a une dimension... Enfin, le ton est stalinien, globalement. Ils ont bien insisté en disant que c'était un nationaliste, etc., le péril nationaliste. Mais il y a un ton qui est plus naïf, qui transparaissait. C'est-à-dire qu'on sentait que ceux qui écrivaient ça croyaient vraiment à ce qu'ils écrivaient, alors qu'en France, les propagandistes savent pertinemment qu'ils mentent. Hein. Oui, tout à fait. C'est une grosse différence. Au Québec, en général, les gauchistes sont sincères. Donc, ouais. Ils essaient de garder une certaine, logique idéologique. Donc, il n'y a pas beaucoup de contradictions qui existent aux États-Unis ou en France. Donc, les gens, ils vont dire oui, il faut se battre contre l'islamophobie, mais de l'autre côté, ils vont dire il ne faut pas permettre aux musulmans, mettons, d'éliminer la liberté de parole et d'imposer leurs règles. Donc, c'est possible d'avoir une certaine discussion ici sur ces choses-là. Les gens ne vont pas éteindre tout débat immédiatement. Donc, de ce côté-là, c'est intéressant. Mais, ouais, au niveau de la propagande par rapport à ces événements-là, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que dans la première journée, avant que, disons, la narrative officielle ait été établie, c'était très confus parce qu'il y avait des informations qui étaient données qui étaient assez bizarres. Là. C'est-à-dire qu'initialement, il y a deux personnes qui ont été arrêtées et tous les témoins disaient qu'il y avait deux personnes qui tiraient. Et effectivement, ouais. Ils disaient qu'ils avaient entendu Allah Akbar et tout ça. L'histoire officielle, dans la première journée, c'était qu'il y avait une personne qui s'est rendue immédiatement. Donc, en principe, c'était le blanc. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est enfui et que la police a dû pourchasser pour arrêter. Donc, c'est ça qu'on savait la première journée. Donc, tout le monde était évidemment... La présomption, c'était que, bon, il y avait deux tireurs et que probablement que c'était peut-être un converti à l'islam et un musulman qui ont attaqué une mosquée rivale ou quelque chose comme ça. Mais la deuxième journée... Tout est devenu très cohérent, c'est-à-dire qu'ils disaient « Ah non, finalement, le musulman n'était pas un terroriste, c'était juste un témoin. Et le seul responsable, c'est le blanc. » Donc ça, c'est vraiment bizarre. Et disons que j'ai la forte impression qu'ils ont essayé d'éteindre tout ça et ils ont arrêté d'en parler assez rapidement. Donc, quand il y a un attentat par un blanc, normalement, on en entend parler pendant des mois et des mois et les gens en parlent constamment pour essayer de faire passer des lois et des trucs comme ça. Et effectivement, c'est ça qui est en train d'arriver. On va en parler plus tard. Mais là, surtout dans la presse américaine, ils ont arrêté d'en parler tout de suite. Dans la presse québécoise, on n'en entend plus tellement parler. Donc, ça a été étouffé assez rapidement. Moi, ce qui me rend très, très suspicieux. Ouais. Le truc, c'est que ce qui m'a frappé, c'est qu'évidemment, on a eu tous les médias... Bon, le Canada est rongé par le marxisme. Hein. Bon, on le sait... Le gouvernement fédéral, enfin marxisme au sens sociétal et au niveau des valeurs, probablement aussi de plus en plus au niveau économique, mais c'est vraiment un pays où il y a vraiment une chape de plomb idéologique, c'est prévalent, moi je le vois, hein. je lis enfin ça m'arrive quand même de lire la presse francophone canadienne ou anglaise, ou même les événements politiques, c'est clair, et il y a un truc qui m'a frappé, c'est que tout le monde a complètement oublié l'attaque islamiste qui avait eu lieu contre le Parlement. Oui, tout à fait. Même dans la dernière année, il y a eu deux attentats islamiques. Il y a eu un attentat contre le Parlement. Et à Ottawa, il y a aussi une attaque à une voiture. Là, un musulman a frappé des policiers ou quelque chose comme ça. Donc c'est arrivé assez régulièrement cette année qu'on a eu des attentats islamiques. Le Parlement, c'était très très très spectaculaire quand même, parce que c'était vraiment... Enfin, je me rappelle, ça avait vraiment fait la une mondiale. C'est pas tous les jours qu'un Parlement est attaqué. Et tout ça a disparu. C'est-à-dire que non, hop, c'est complètement évacué. Et alors, ceux qui nous écoutent le savent, après l'attentat, immédiatement, les gauchistes étant désespérés, c'est-à-dire qu'ils attendent désespérément que des Blancs... résistent à l'invasion violemment pour les diaboliser, évidemment. Alors, ils disent, voilà, comment, regardez, ils utilisent la violence, etc. Donc, en fait, les gens n'ont qu'à subir... parce qu'il faut bien qu'on se comprenne sur la question du terrorisme ici. Moi, je n'appelle pas au terrorisme, et personne ici appelle à la violence ou au terrorisme. Mais d'un côté, on a un camp qui subit un phénomène de colonisation et d'invasion, donc la population canadienne blanche, on va dire. Et de l'autre côté, on a des envahisseurs qui viennent s'emparer de terres, etc. Donc, on n'est pas sur un rapport d'égalité. On est sur un rapport, pour le coup, véritablement, de gens qui sont en train d'être dépossédés, lésés, agressés, d'une part, et de l'autre, le côté de l'agression, quoi. Et quand ils présentent les faits, c'est-à-dire que quand, en fait, finalement, au bout d'un moment, il y a des gens qui, de façon individuelle, disent, pour X raisons, « Ouais, j'en ai assez, je veux faire quelque chose », et deviennent violents, évidemment, les faits sont présentés comme étant inacceptables, etc. Et, à contrario, quand c'est une attaque islamiste, évidemment, ils ne vont pas dire « Ouais, c'est génial », etc. Non, ils condamnent, ils disent « C'est scandaleux, la violence, le terrorisme », etc. Mais ils disent tout de suite « Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'immigration, ça n'a rien à voir avec l'islam. » Donc, le processus peut continuer et tout se passe bien, quoi. Et ça, ça m'a particulièrement frappé, quoi. Oui, définitivement. C'est-à-dire que, dans la lignée de ce que tu dis, j'ai pas l'impression que l'attentat de Québec est très efficace pour scandaliser les gens. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression du tout que les gens étaient très perturbés par ça et disaient « Ah, il faut absolument détruire le nationalisme à cause de ça, il faut éliminer l'islamophobie. » En tout cas, je parle dans le peuple régulier. On a tellement d'expériences d'attentats, et les attentats en France aussi, évidemment, les attentats de la France nous ont affectés énormément. C'était dans les médias 24 heures sur 24, et si on parle aux gens normaux au Québec, ou aux gens, le peuple ordinaire, il était très, très affecté par ça. Donc, on l'a pris, si on veut, personnellement. C'était pas quelque chose qui était dans un peuple étranger. Les gens en parlaient, ils disaient « Ah, c'est horrible ce qui se passe en France. Il faut pas laisser ça arriver ici, et tout ça. » Donc, tout ça, c'était très frais dans notre esprit quand ça s'est arrivé, l'attentat de Québec. Et les gauchistes ont beaucoup de difficultés à créer un état de scandale avec ça. Ouais, c'est pas très efficace. Ouais, d'accord. Ouais, ça c'est vachement intéressant ce que tu dis. Donc ça veut dire, là on est dans le domaine culturel. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, la sphère culturelle, qui est très mal comprise en France, en tout cas. On ne comprend pas ces subtilités culturelles qui sont en fait des choses inconscientes. Effectivement, pourquoi le Québec a une empathie pour la France particulière, alors que politiquement il n'y a pas spécialement de relations. Plus suivi qu'autre chose, parce qu'il y a une continuité culturelle, historique et biologique, quoi, hein, de peuplement, et donc on voit bien que ça traverse l'Atlantique, c'est très intéressant, et la réaction des gens intéressante, celle dont tu parles, tu dis en fait finalement, bon, ils ont beau faire leur grosse propagande, quelque part, les gens, en tout cas une partie des gens se disent, à force de chercher la merde, vous finissez par la trouver, quoi. Mais ouais. ils vont pas le dire en public parce qu'évidemment voilà la loi, la pression, etc. Mais en gros il y a pas de les gens sont pas là en train de pleurer, etc. À part quelques marges politisées ou le gouvernement, en gros les gens ne disent rien, mais c'est un silence qui en dit long, quoi. On peut le dire comme ça, quoi. Oui, c'est ça. Et donc si on vient à l'espèce de motion légale qui a été amenée par musulman, disons-le. Vas-y, on arrive là-dessus. Alors, effectivement, alors, juste avant qu'on vienne sur les conséquences juridiques, législatives de l'événement, je veux quand même souligner que dans les premiers jours, ils ont pointé du doigt les nationalistes, Ils ont dit, il y a un problème de nationalisme, il y a un problème avec des identitaires. J'ai vu hein, les émissions d'information québécoise. Il y a des identitaires, les jeunesses identitaires. Ils parlaient comme ça, je me rappelle. Et ils ont parlé de la Fédération des Québécois de souche, alors qu'ils étaient présentés comme des salauds intégraux, etc. Je les salue au passage, hein, mes amitiés, nos amitiés de toute l'équipe à la Fédération des Québécois de souche, qui ont été diabolisés. Et ça, en France, on connaît parfaitement, puisque... en France, il y a quand même maintenant, ça fait 40 ans qu'il y a quand même des mouvements nationalistes et 30 ans que le Front National existe réellement politiquement, et ils ont tout essayé. Le système, les journalistes, les médias, les partis, parce que nous, on a quand même eu un gros parti communiste, un gros parti socialiste, des mecs particulièrement retors, et ils ont tout tenté. Hein. Donc on est particulièrement familier, et moi, quand j'ai vu ça, quand je les ai vus immédiatement, parler de la Fédération des Québécois de souche et des identitaires, etc., le jour même. Là, je me suis dit, tiens, ils sont en train de leur faire, avec 25 ans d'écart, ce qu'ils faisaient en France, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un bougnoul qui était fracassé, les journalistes n'en avaient rien à foutre, c'est-à-dire qu'ils mettaient le nom du Front National dans le truc. Même s'il n'y avait personne du Front National impliqué, ni de près, ni de loin, ils trouvaient le moyen, si tu veux, d'enchaîner le sujet médiatique pour finir sur la cible politique. Alors ça, je voulais... Bien sûr, et Fédération des Québécois de souche, c'est un mouvement qui est extrêmement petit. Et en fait, c'est même pas un mouvement, c'est comme des intellectuels qui rédigent des articles, et c'est pas populaire du tout. J'ai même essayé d'entrer en contact avec eux, et ils m'ont jamais répondu. Donc c'est très insulaire, et il y a pratiquement personne dans ce truc-là. Donc je sais pas où ils ont puisé ça, mais ils ont cherché loin et fort pour trouver quelqu'un à démoniser. Voilà, c'est ça, il fallait une scapegoat, il fallait quelqu'un à... Il fallait quelqu'un à brûler en place publique. Alors, maintenant, venons-en à ce que tu voulais aborder, c'est les conséquences législatives. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des attentats contre les musulmans, qui sont pacifiques et innocents, et qui sont des gens très très bien, qui s'indraient systématiquement, il n'y a jamais de problème. Mais il faut les protéger, maintenant. Et alors là, le gouvernement québécois, ou plus exactement le parti au pouvoir au niveau fédéral canadien, je précise, a décidé de soutenir une législation. Et là, tu vas nous en dire plus. Quel est le nom de cette législation et de quoi s'agit-il? Bon, donc c'est la motion M103, donc contre l'islamophobie. Donc ça s'appelle comme ça. Non, c'est juste motion M103. Donc c'est pas encore une loi officielle, c'est juste comme une suggestion. Mais celui qui a amené ça devant le Parlement, c'est Igra Khalid, qui est un parlementaire du parti au pouvoir libéral. Et il y avait aussi une pétition de 70 000 personnes qui supportaient ça. Et 70 000, ça paraît très impressionnant, mais bon, disons qu'il y a plus que 70 000 musulmans au Canada. Donc ça, les gens oublient souvent ça. Quand on a des pétitions, mettons, à Londres, il y avait une pétition pour empêcher Trump de visiter... Ouais. Et ouais. Disons que la pétition avait moins de signatures que le nombre de musulmans à Londres. Donc, ça veut rien dire si c'est juste les gens concernés qui signent la pétition. Et évidemment, c'est eux qui ont le plus d'incentifs à signer ce genre de choses-là. Donc, bon, on a un musulman qui amène ça devant le Parlement. Il y a des 70 000 qui, probablement la majorité, sont des musulmans aussi et qui veulent interdire toute forme d'islamophobie. Donc, Alors, ça veut dire quoi? Alors, cette motion... se propose d'interdire quoi? Comment c'est écrit cette loi? Comment cette loi stalinienne est écrite? Comment ils articulent le truc? Bon, il y a trois clauses. Donc, le clause A, c'est reconnaître qu'il faille endiguer le climat de haine et de peur qui s'installe dans la population. Donc, très vague, très sentimental, mais qui donne un peu le... Voilà, donc... la teneur du texte. Effectivement, donc on va lutter contre un sentiment, donc ce qui donne, en gros... il faut faire des bisous. Un champ. Voilà. Non, mais c'est pas ça. Ça permet au gouvernement de faire à peu près ce qu'il veut, parce que chasser la haine, c'est très ouvert comme sujet. Hein. Donc voilà, d'accord. Close oui, quand on commence à réglementer les émotions humaines, évidemment, oui, c'est les mesures qu'on doit prendre sont très extrêmes. Mais j'ai pas compris pourquoi ils ont jamais fait de loi contre le mal, d'ailleurs. Ils devraient commencer par ça, je pense. Ça serait ouais, ça serait logique. Bon, la deuxième clause. Numéro 2, la clause B. Condamner l'islamophobie et toutes les formes de racisme et de discrimination, blablabla. Bon, donc la première, c'est l'islamophobie. Donc, on sait immédiatement c'est quoi le ce qui est important. C'est la seule chose qui est spécifiée. Donc, évidemment, il ne parle pas de la haine contre les Blancs ou de haine contre la chrétienté. C'est islamophobie, parce que c'est la seule chose qui est importante dans cette loi-là. Donc, éliminer l'islamophobie et toute discrimination systématique. Avant la clause numéro C. Alors, en France, c'est intéressant ce que tu dis voilà, l'islamophobie et puis tous les autres machins, mais c'est peanuts. Alors, en France, c'est l'antisémitisme. Hein. Faut le préciser. En France, c'est toujours lutter contre le racisme et l'antisémitisme. C'est-à-dire que c'est toujours distinct, tu sais. Voilà, il y a le racisme. Bon, ça, c'est pour la plèbe. Enfin, pour les nègres et machin, et il y a l'antisémitisme. Ça, c'est le racisme plus, tu vois. C'est le... Mais au Canada, les juifs, essentiellement, n'existent pas. C'est-à-dire que, mettons, au Québec, le concept du juif n'existe pas vraiment. Pour nous, les juifs, c'est comme des Anglais particulièrement rudes, parce que les juifs parlent tous anglais. Donc, pour nous, c'est juste une sorte d'étrangers ou d'anglais bizarres, qui ont une religion différente. Tandis que pour les Anglais, les juifs sont assez bien fondus dans la population. Donc, c'est pas... Le concept du juif est assez étranger. Donc, évidemment, on a la B'nai B'rit, là, qui est comme un organisme pour défendre les juifs et pour condamner les méchants antisémites. Alors, ça, je me fais une digression. Le B'nai B'rit Canada est une saloperie ultime. C'est-à-dire que les mecs défendent les musulmans alors qu'en France, le B'nai B'rit France, ils ont quand même commencé à comprendre, alors attention, de leur point de vue, hein, ils ont quand même commencé à comprendre que les musulmans ne les portaient pas forcément dans leur cœur, tu vois. et quand je regarde les communiqués du B'nai B'rit Canada, je suis là, je dis, mais c'est la même organisation, hein, qu'est-ce ils sont fous, quoi. C'est très récent. Parce qu'en fait, il y a une dizaine, quinzaine d'années, le B'nai B'rit faisait un peu de la lèche aux antisionistes. Ça fait seulement depuis quelques années aux antisionistes qu'ils ont changé de bord. Le B'nai B'rit faisait de la lèche aux antisionistes. Ouais, bah je crois qu'il me semble qu'il y a 7-8 ans, ils ont invité Dieudonné. Le B'nai B'rit ? Ils ont invité Pierre Cassin de Riposte Laïque. Ah oui, tout à fait. Ah oui, non, c'est pas du tout. Pierre Cassin est un... Il n'y a pas une loge un... maçonnique qui a invité Dieudonné ? Oh, c'était il y a... Oui, mais il y a le Grand Orient, ça. Ah, c'est le Grand Orient, oui. Ouais, le Grand Orient, il y a 20 ans, enfin une vingtaine d'années. Quand c'était un bon nègre, quand il était antiraciste, tu vois, c'est quand il n'était pas méchant avec des juifs. Sur l'avenir du pouvoir, le pouvoir métissé, je crois, c'était un truc comme ça. Mais métissé, ouais, voilà, c'est ça. Oh là là. Tu m'en diras. Mais bon, le concept de l'antisémitisme, c'est encore ce qu'on disait au début, c'était qu'au Canada ou au Québec, plus spécifiquement, les gauchistes ont une certaine cohérence idéologique. Donc, pour les gauchistes, ils vont être anti-Israël parce que Israël, c'est des méchants blancs qui oppriment les musulmans et tout ça. Donc, les cause de ce concept-là, blancs, les juifs ne sont pas groupés avec les minorités jusqu'au même point qu'aux États-Unis ou en France, des choses comme ça. Donc c'est juste ça le point que je voulais faire. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire que les juifs sont considérés comme pas vraiment une minorité et donc ils n'ont pas le droit au même traitement favorable ? C'est ça que tu veux dire ? Ben, ils peuvent jouer la victime face au sentiment purement raciste, c'est-à-dire comme ils peuvent se défendre contre les blancs qui n'aiment pas les juifs, mais les gauchistes et donc l'établissement libéral peut critiquer Israël, peut critiquer les juifs pour leur comportement négatif sans nécessairement être considérés comme des antisémites. D'accord, alors c'est intéressant comme digression, comme ça on a bien dit, voilà, il y a chacun sa focale en quelque sorte, chacun met la loupe sur le problème en particulier, ou plus ou moins sur la minorité qui est la plus influente. Curieusement d'ailleurs, j'ai l'impression qu'au Canada et au Québec, vous n'avez pas tellement de musulmans comparativement à la France, mais visiblement, on les considère comme des deux milieux, parce que là vous allez au-devant de tous leurs désirs, c'est complètement hallucinant. Et la clause numéro C, alors, c'est quoi ? Je vais le lire. Donc, demander que le Comité permanent du patrimoine canadien entreprenne une étude sur la façon dont le gouvernement pourrait, de 1, établir une approche pan-gouvernementale pour la réduction ou l'élimination du racisme et de la discrimination religieuse systématique, dont l'islamophobie, au Canada. tout en assurant l'adoption de politiques fondées sur les faits et l'application globale axée sur la communauté, etc. Donc, essentiellement, ça met un programme pour mettre en place des lois. Ouais, programme, élimination. Ouais, j'ai l'impression qu'on veut éliminer les Blancs, là, me semble-t-il. Hein. Oui, donc en pratique... Quand j'entends ça, voilà... Le résultat pratique de tout ça, si c'est approuvé, c'est que ça pourrait facilement amener des poursuites criminelles contre les gens qui critiquent l'islam de n'importe quelle façon. Donc, c'est ça le résultat pratique. Mais quel est l'état... Parce que, bon, en France, c'est très clair. Et ici, on le sait, les gens le savent, ceux qui nous écoutent le savent, la liberté d'expression n'existe pas. C'est une fiction. D'ailleurs, c'est pour te dire, c'est-à-dire que la loi qui limite... qui censure, qui réprime la pensée, l'expression des opinions, s'appelle la loi sur la liberté de la presse. Donc, tu vois, c'est toujours comme ça. Non, mais c'est fascinant. Tu lis ce truc, c'est un texte, c'est magnifique. Enfin, quand tu as fait le tour du texte, tu as compris qu'en fait, tu peux rien dire qui déplaît au pouvoir. Et bon, les gens pensent en France, si tu veux, que bon, en Amérique du Nord, sous l'influence des États-Unis, il y a quand même encore une relative liberté d'expression. Au Canada, c'est pas du tout la même chose. Il y a quand même une législation répressive sous le poids du marxisme ambiant, mais c'était peut-être pas allé aussi loin qu'en France. Parce qu'en France, maintenant, c'est la tôle dès que tu dis quelque chose qui déplaît. Hein. Au Québec, ben, jusqu'à c'était maintenant, pas le cas. Non, c'était pas le cas. C'est-à-dire qu'ici, on a un système un peu à trois niveaux là, pour limiter la liberté d'expression. C'est que en ce moment, au niveau criminel, c'est pas criminel de dire des choses haineuses, si on veut. Donc, on peut être raciste et tout ça, et on va pas aller en prison. Par contre, au niveau civil, il peut avoir des pénalités. Une amende, quoi. Ouais, des amendes. Mais le plus important, c'est la commission des droits de la personne, qui est pas nécessairement dans la loi, mais ça permet à n'importe qui d'amener des plaintes vis-à-vis cette commission-là, et ça va amener des pénalités financières extrêmement importantes. Et ça peut être, c'est pas nécessairement raciste, ça peut être juste de heurter les sentiments de quelqu'un. Ah oui, et paf, tu peux avoir une amende de 100 000 $. Heurter les sentiments, mais ça c'est un truc, ça veut rien dire. Alors, mais c'est une notion juridique ce truc, heurter les sentiments. Mais laisse-moi te donner un exemple qui était assez célèbre. C'est il y a un an, je crois, un comédien, quelqu'un qui fait de l'humour, là, un stand-up, avait fait un numéro sur un garçon qui avait chanté pour le pape et qui était comme, je me rappelle plus c'était pourquoi là, pour genre Make-A-Wish Foundation, là, quelqu'un qui, il était en train de mourir et son souhait c'était de chanter pour le pape. C'était assez ridicule là, il faussait, c'était vraiment ridicule. Et plusieurs années plus tard, le comédien dit pourquoi ce gars-là il parle encore, il était pas supposé mourir, c'était pas ça l'affaire. Et en tout cas, il faisait des blagues sur ce garçon-là qui est maintenant un adulte. Pénalité de, je crois, 180 000 $, là, quelque chose d'horrible. Ah oui! Donc, il n'y avait aucun aspect de racisme ou de sexisme ou quoi que ce soit comme gros, ça. C'était... En gros, au Canada, c'est interdit d'être méchant. Quoi. Oui, en gros, c'est ça. Donc, mais là, cette nouvelle loi-là pourrait amener l'islamophobie dans le niveau criminel. Voilà, en fait, vous rentrez dans le système français, c'est-à-dire. Enfin, dans le système français. Vous allez au bout de la logique terroriste des communistes européens, d'Europe de l'Ouest, je le précise, c'est-à-dire que voilà, on ne peut plus rien dire face à l'ennemi qui envahit le monde blanc, quoi. C'est-à-dire que voilà, et surtout les musulmans. Et c'est marrant cette focalisation sur les musulmans. Et pourquoi sur les... Alors moi je dis ça. Pourquoi se focaliser sur les musulmans après tout? Ils pourraient nous dire, il faut surtout lutter contre la haine du bouddhisme. Bah, tout le monde se dirait, la haine du bouddhisme, quoi, c'est même pas un phénomène, un truc comme ça. Alors pourquoi focaliser sur l'islam? C'est marrant. Parce que c'est eux qui sont les plus méprisables. C'est eux que les gens... C'est pas ça. Il n'y a personne qui aime les musulmans. Non, mais tout le monde déteste ces gens-là. Donc c'est eux qu'il faut protéger le plus. C'est pas ça. C'est que c'est eux qui agressent. C'est eux qui agressent les armes à la main. On peut pas dire oui, que les bouddhistes sont des gens armés. Je veux dire, on peut parler d'immigration de toutes les races, etc. Mais ceux qui sont des gens suffisamment agressifs et haineux pour passer à l'acte sont, dans la plupart des cas qu'on a vus ces dernières années, des musulmans. Et très curieusement, arrivent des législations qui nous disent « Ah là là là, mais il faut surtout mettre la focale contre l'islamophobie ». C'est marrant, c'est-à-dire que plus ils sont violents, plus il faut les protéger. Absolument fascinant quand même. le mécanisme. Et j'avais quelqu'un qui m'avait écrit d'Algérie, qui m'avait expliqué ça. Il m'avait dit, tu vois, c'est fascinant. Il m'a tout expliqué le quotidien dans l'Algérie, tu vois. C'est-à-dire, c'est un mec qui vit à Alger. Et j'ai eu des discussions très intéressantes avec lui. Il m'a dit, tu verras, l'islam est un système absolument fascinant à observer au plan social. C'est absolument fascinant. Plus c'est violent, plus les gens se convertissent, il me dit. Plus c'est brutal, sanglant, plus les gens se convertissent. Il dit, tu n'y crois pas, mais c'est vrai. C'est une religion qui fonctionne, qui a très bien compris la psychologie la plus animale chez l'homme. Et c'est redoutable. Et là, au Québec et au Canada, on a la démonstration de ce truc. C'est-à-dire que, en fait, la religion, ou le système religieux, ou la communauté religieuse la plus agressive, de fait, ces dernières années, au Canada, c'est clairement les musulmans. Ils attaquent le Parlement, etc. Et, réflexe, on va les protéger encore plus. Mais d'après moi, il y a un réflexe de peur ici. C'est-à-dire que tout le monde sait instinctivement que si on dit, on parle en mal des musulmans, ils vont nous faire exploser. Donc, étant des fiottes comme ils le sont, voilà. La solution, évidemment, c'est d'empêcher les gens de dire des choses négatives sur les musulmans, comme ça on va pouvoir vivre en paix. Donc d'après moi, il y a une certaine psychologie à ce niveau-là qui opère. Ouais, c'est en paix, avec 5 prières par jour, en fait. Oui, mais eux, ils s'en foutent. S'ils peuvent continuer d'acheter leur iPhone et de regarder leur TV plasma, eux, prier ou non, c'est juste des détails insignifiants. Non, mais l'islam, il te demande pas de prier, véritablement. Il te demande de ne pas moufter dans l'espace public. C'est très différent. D'accord, mais en tout cas, on a eu un aperçu. Ouais, alors, je vais faire une digression, Gandalf. Ouais, vas-y, je t'en prie. J'en reviens à l'affaire Mehdi Mekhlat qu'on avait vue avant la pause. Ouais. Qui, dans son bouquin, parle d'un truc qui est très intéressant. Et en fait, c'est un Bounoul qui en parle, donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Il parle de l'égorgement du mouton dans sa baignoire. C'est central. Là-dessus. Ouais, et c'est absolument central. Où il explique très bien qu'il y a une forme d'initiation à la violence dans le rite de l'égorgement du mouton. Mais ils font ça avec les gamins. Ils font ça avec les gosses. Ils font ça avec les gamins, ouais, tout à fait. Et c'est Aldostérone également qui en parle très bien. Oui, mais c'est central. C'est très intéressant, hein, parce qu'il parle justement que les gamins, ils restent quand même, même si c'est... Marqués, ils sont marqués. Ils ont 14 ans, ils sont effrayés par le truc. Ouais, et t'as le grand-père, le père qui pousse à l'égorgement. Ouais. C'est vrai, c'est social, hein, c'est un truc qui est vraiment, que ceux qui nous écoutent comprennent bien un truc. Vous devez comprendre un truc absolument fondamental. C'est très important ce que je vais vous dire. Si vous voulez comprendre les musulmans, peu importe la race, donc oubliez, débranchez BFM TV, l'éducation nationale, le gouvernement français, le dernier plus connard. La vie. Voilà, le dernier connard gauchiste que vous avez croisé, qui a lu je sais pas quoi, encore une romance à la con. Oubliez toute cette merde et écoutez quelqu'un qui est bien renseigné. La chose la plus centrale dans la formation psychologique d'un musulman, c'est le passage par l'égorgement du mouton traditionnel. Ça marque à vie le gamin qui le fait. Tous les musulmans doivent le faire. Et c'est pour ça que les musulmans sont tellement obsédés par l'égorgement, la décapitation. Et c'est pour ça que vous entendez, on a parlé de Mehdi Mekhlat, mais tous, salope, sale blanche, je vais t'égorger, je vais te couper la tête, machin, sale porc, je vais te saigner, etc. Ça vient de ça. C'est un traumatisme qui se refile. Les juifs, ils ont la circoncision. Bon, c'est un autre type de traumatisme. Hein. Et c'est une maltraitance de masse qui génère des dégâts psychologiques insoupçonnés dans les masses islamiques. Mais c'est terrifiant. Et ils en sont victimes, en fait. Hein. Et si vous retrouvez autant de... Si vous demandez à un truand arabe ou maghrébin son arme favorite, il va pas vous dire, moi, c'est le calibre. Hein. Il va vous dire, c'est la lame. C'est la lame. C'est ça qui me plaît. Et donc, il faut bien en avoir conscience. C'est saigner le mouton. Un aspect peut-être plus profond, c'est la relation avec la violence puis la mort. C'est-à-dire que traditionnellement, mettons, si on remonte à plusieurs centaines d'années, même en Europe, les paysans, n'importe qui était proche de la terre, devait tuer des animaux pour survivre. Donc, il y avait une relation avec la vie et la mort qui était plus réaliste. Quand les gens sont déménagés en ville et que toute leur nourriture venait du supermarché, c'est beaucoup plus facile pour ces gens-là d'ignorer un aspect important de la vie, c'est-à-dire que pour survivre, il faut tuer d'autres êtres vivants. Tandis que les musulmans, eux, même s'ils vivent en ville, avec ce rituel-là, ils se reconnectent avec un aspect important et très basique de la réalité qui est pour vivre, il faut consommer d'autres êtres vivants. Et si on étend ça au niveau politique, pour eux, c'est très évident que s'ils veulent que l'islam fleurisse, il faut qu'ils tuent. Soumettre d'autres organismes, c'est-à-dire les blancs, les autres races et tout ça. Tandis que on ne peut pas faire ça ou c'est pas nécessaire. Regardez, on n'a pas besoin de tuer des gens pour garder notre intégrité. On peut juste aller au supermarché et acheter du bœuf mis dans du cellophane, du plastique. Alors moi, je suis un goïm et un mécréant rural du fin fond de la France. Je sais ce que c'est que de tuer un animal. Je l'ai vu, j'ai vu mon père, j'ai vu mon grand-père tuer des animaux pour les manger. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Si tu veux, il n'y a pas de rite de l'égorgement. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de rite sanglant au couteau. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que la mort de l'animal, si tu veux, c'est quelque chose qu'on doit faire déjà dignement pour éviter qu'il souffre. Et c'est quelque chose qui est très... on fait vachement gaffe à ça. Et un truc qu'il faut savoir, c'est que les autorités sanitaires dans tous les pays occidentaux interdisent l'abattage par égorgement, parce que pendant l'égorgement, la trachée est mise en contact avec le sang. Avec l'œsophage aussi. Ouais. Oui, c'est très sale. C'est absolument dégueulasse. T'as tout ce qui est dans le tube digestif qui se mélange au sang, enfin, ça fout littéralement la merde. C'est médicalement, c'est juste dégueulasse. Et ça fait très longtemps que les anciens le savent. Parce qu'il y a, pendant quelques temps, toutes les bactéries... Enfin, si tu veux, l'animal va s'infecter juste avant sa mort sur le coup du stress. Et c'est pour ça qu'on l'interdit. Et en France, vu qu'on a fait quelques accommodements avec les juifs, on a autorisé l'abattage rituel juste pour cette communauté, parce que ça a concerné que quelques membres. Enfin, la communauté juive n'a jamais été trop importante en France. Et par extension, ça a été fait avec les boukaks. Et vu qu'en fait, les juifs maîtrisaient l'abattage de certains aliments, tu as de la viande halal qui est consommée par des goyes et qui est absolument... c'est fait dans des conditions absolument atroces. D'ailleurs, je crois je crois que l'abattage par égorgement, c'est devenu la norme. Parce qu'en c'est massif, ouais, c'est massif. Ouais, c'est-à-dire que faire dans un abattoir une méthode normale et une méthode d'égorgement, ça revient trop cher, quoi. Donc du coup ils font tout l'égorgement. La seule différence entre le halal et le pas halal, c'est que le halal tu vas avoir le type qui t'as le méta qui fait ses salam alek et puis qui fait ses trucs bismillah et compagnie, quoi. Bismillah putain. Non, mais là, on a abordé un sujet crucial. En tout cas, j'espère que ceux qui nous ont écoutés l'oublieront pas, l'égorgement du mouton chez les musulmans pour les enfants musulmans, c'est central. Alors, chers amis, enchaînons, après ce passage par le Canada, avec l'actualité américaine, j'ai quand même envie d'en parler, surtout que Tiger est là, je pense qu'on a 2-3 trucs à dire. Donc, sujet numéro 2, évidemment, Trump, le Trumpenreich, c'est semaine numéro 5. Alors, Tsaker, t'as vu comme moi que Trump a banni pour la première fois d'une conférence de presse à huis clos les grands médias de gauche et d'extrême gauche américains. Alors, j'en cite entre autres, hein, CNN, donc la grande chaîne, le Huffington Post, le New York Times, il y en a d'autres. Et par ailleurs, pour compenser le truc, il a fait monter des médias qui jusque-là étaient absolument blackboulés dans la vie américaine, dont le Washington Times, dont je recommande la lecture pour ceux qui sont anglophones d'ailleurs. C'est un journal, comment dirais-je, conservateur, mais c'est un bon journal conservateur. Je suis pas un grand fan de la littérature conservatrice, mais c'est quand même un bon journal conservateur. Il y a des choses très intéressantes là-dedans. On y retrouve d'ailleurs la plume de Pat Buchanan. Hein. On peut pas soupçonner Pat d'être quelqu'un d'inintéressant. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, Tiger? Qu'est-ce que tu en penses de ça, de cette déclaration de guerre frontale, hein, vraiment, aux médias du système? Non, c'est immense. C'est une grande nouvelle, mais je m'y attendais. C'est-à-dire que constamment, depuis au moins un mois, Trump a fait des menaces. C'est-à-dire qu'il disait « J'ai pas besoin de vous. J'ai pas besoin de me plier à vos attentes. Je peux communiquer au peuple directement. » Et il a fait plusieurs... il a pris des actions qui, si les médias étaient intelligents, auraient compris que c'était des menaces. Donc, il a commencé à faire des vidéos sur sa propre chaîne YouTube pour communiquer ses messages directement au peuple. Il a continué de faire des tweets, là, d'utiliser Twitter pour communiquer. Donc, il a fait des menaces directes. Là. Il disait aux médias, regardez, si vous continuez à faire ce que vous faites, je vais arrêter de vous parler. Il a commencé à retourner leur mème contre eux, là, c'est-à-dire le fake news qui était devenu comme... Ouais, pendant la campagne électorale, les médias disaient, il y a les fake news, c'est-à-dire les fausses nouvelles, les nouvelles faussetés. C'est un fléau, il faut arrêter ça. Et lui, il a retourné ça, il a dit non, c'est CNN qui était fake news, New York Times, ouais, c'est fake news. Ouais. Donc ça, c'est très bien. Et c'est magnifique. Essentiellement là, un avertissement. On sent la patte de Bannon là-dessus, hein. On est d'accord. Hein. Définitivement. Et je crois même que Daily Stormer, c'est nous qui a presque parti ça. Parce qu'avant que Trump commence à le faire, moi j'ai écrit un article. Ouais. La National Public Radio, c'est-à-dire les médias de public américains avaient écrit un article pour dire comment distinguer les fake news des vraies nouvelles. Et moi, j'ai pris leur article et je l'ai appliqué au New York Times avec des exemples pour démontrer que tous leurs critères s'appliquaient à New York Times. Donc, on a commencé un peu avec ça et l'administration américaine l'a repris et c'est très efficace. Donc maintenant, tout le monde, il n'y a plus personne qui prend ça au sérieux, fake news, et il accuse les médias de tout ça. Mais non, le fait qu'il ait exclu les médias avec qui il n'est pas d'accord, c'est seulement les médias qui le critiquent de façon plus virulente. C'est un grand précédent. Et on le sait que c'est un grand précédent parce que les médias eux-mêmes se sont offensés de ça, mais avec une très grande vigueur. Là, ils ont écrit des articles se plaignant de ça. Ils ont dit le fascisme va monter dans l'obscurité. C'est-à-dire que le président américain cache il faut dire pourquoi Donald Trump, le président américain, qui face à un déferlement de haine de la part de ses médias, qui sont des médias vraiment manipulés totalement par les intérêts qu'on connaît, pourquoi serait-il assez stupide pour leur donner les moyens de saboter sa présidence? Il faudrait être complètement dingue. Donc Trump a raison, mais je comprends qu'ils enragent parce que jusqu'à présent, en fait, c'est ça l'escroquerie. C'est-à-dire l'escroquerie repose sur la chose suivante, et ça fonctionne en France aussi. C'est que ils vont dire c'est scandaleux, il nuit à la liberté de la presse. Et en fait Trump ne veut pas nuire à la liberté de la presse, il veut répondre aux actions agressives d'une presse qui est manipulée pour servir des intérêts bien compris et qui est une presse politique. Donc c'est pas la presse, c'est une certaine presse. Mais les autres, ils disent c'est la presse, c'est la liberté de la presse. Et ensuite, on regarde qui tient quoi dans la presse. Et on se rend compte, et c'était vrai durant l'élection américaine, c'est que 95% des journaux américains étaient contre Trump. Donc, en fait, il n'y a pas un seul journal américain qui a supporté Trump. C'est-à-dire qu'ils ont officiellement mis leur ce qu'on appelle le endorsement en anglais, qui ont dit on supporte officiellement Trump comme candidat. Donc, tout le monde était contre lui, essentiellement. Voilà, donc, je veux dire, le truc n'est pas équilibré. Il n'y a pas 50% de gens qui sont d'un côté, 50% de l'autre, auquel cas tu laisses le jeu se jouer. Non, c'est que t'as tous les médias sont contre toi parce qu'ils sont tenus, on sait très bien par qui. Et le mec, il était censé dire, ouais, voilà, bah, je vais les laisser me cracher à la gueule, et en plus, je vais les inviter à boire le thé, etc. Bah non, et là, on voit qu'on a un combattant. On voit affaire qu'on a un combattant, et on a Bannon, je pense, hein, qui est le stratège derrière ça. Et il a raison. Et c'est ce qui était très intéressant, j'ai cité le Washington Times, évidemment Breitbart était invité dans le huis clos, dans la conférence à huis clos. Et alors, moi je trouve que c'est, comme tu l'as dit, c'est une grande étape quand même en avant, c'est la presse de gauche, la presse institutionnelle qui est à 90% à gauche et à l'extrême gauche, en fait, se fait remettre à sa place, c'est tout, quoi. Elle se fait recadrer. Et ça lui fait très bizarre, parce que ça faisait 50 ans ou plus qu'elle avait tapis rouge partout, quoi. Et ça, c'est vraiment une excellente, excellente nouvelle. Hein. Oui, et chose à noter, quelques jours avant que cet événement-là soit arrivé, Trump a fait un tweet assez remarquable. Il a dit « La presse n'est pas mon ennemi, c'est l'ennemi du peuple. » Oui. Donc, les fake news, hein, pas la presse. Enfin, Non. Il a dit les médias. Il a dit les médias. Ouais, les médias ne sont pas mon ennemi, c'est l'ennemi du peuple. Pas mal. Et c'était magnifique. Enfin, moi, j'étais là, bah, je l'ai cité, j'en ai parlé d'ailleurs sur différents médias. C'est, effectivement, là, c'était un tournant. C'est très bien relevé, Tiger. Mais c'était vraiment je crois que ça, c'est comme un peu une pièce d'échec qu'il a mis. Et il y avait d'autres pièces d'échec dans une grande stratégie qui ont été mises avant. Donc, d'après moi, une des choses les plus importantes, c'est la fuite, le leak sur Flynn, là, un de ses aviseurs. Ça, c'est une grave perte. Hein. Je dirais que ça vaut la peine. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des gens dans les services secrets qui ont donné, qui ont fait une fuite d'informations à la presse, et la presse a publié ces informations-là, et ça l'a mené au renvoi de Flynn. Bon, ce qui est important, c'est que... Il veut trouver les mecs. Et de un, ceux qui ont fait la fuite, les gens dans les services secrets, sont coupables de trahison, donc ils pourraient aller en prison pour ça. Et de deux, et ce qui est encore plus important, c'est que les journalistes qui ont reçu ces informations-là et qui l'ont publié pourraient aussi être considérés comme des traîtres et être mis en prison pour ça. Donc, en disant... Et Trump l'a dit spécifiquement dans sa conférence de presse, tout ce que je viens de dire. Et là, il a dit sur Twitter hier, hein, il a remis le truc des fuites du FBI en mode énervé, quoi. Hein, ça, on sent que ça le démange. Hein. Il a dit qu'ils sont incapables de stopper les fuites. Il dit qu'ils sont incapables, ils n'arrivent pas. En fait, ce que ça veut dire, c'est dire ils ne veulent pas. Maniez-vous le cul ou les têtes vont tomber. Quoi. C'est ça. Voilà, c'est oui, ça. Mais exactement. La grande stratégie ici, c'est que en ayant mis cette chose-là de devant, et ensuite en disant la presse, c'est l'ennemi du peuple, et ensuite en les bloquant, ça mène à une possibilité de pouvoir essentiellement mettre en prison tous ses ennemis de façon tout à fait légitime. Ça serait tellement beau. Ah, putain, mettre en taule les journalistes de gauche. Mais quel rêve, quoi, putain. Oh là là. Bah écoute, laissons Cake faire le job, hein, quelque part. Ouais, non, mais c'est vraiment quelque chose d'énorme, comme tu l'as bien souligné, ouais, carrément. Sinon, j'avais envie de reparler d'un autre truc avant qu'on conclue l'émission, toujours sur les États-Unis. C'est plus anecdotique, mais pas vraiment anecdotique, et ça concerne toujours Trump, l'annulation du décret sur les toilettes transsexuelles. Alors, Tiger, explique-nous le topo. Parce que ça a l'air anodin comme ça. Parce que Qu'est-ce que c'est que ce truc, En Europe, même en France, hein. Même en France, ça fait même pas les news. Tu sais pourquoi? Parce que si la presse de gauche osait sortir un truc comme ça, tout le monde se foutrait de leur gueule. Mais même les mecs de gauche, quoi. Ils se foutraient de leur gueule. Alors, par contre, aux États-Unis, c'est pris très, très, très sérieusement. Voilà, les transsexuels, machin, ils ont le droit à leur chiotte. Vas-y. Alors, dis-nous en plus là-dessus. Bon, il faut comprendre qu'aux États-Unis, en ce moment, depuis à peu près un an, les transsexuels, ou les transgenres, comme ils les appellent là-bas, sont comme la nouvelle frontière. Donc, les travelots dégénérés, donc oui. Oui. c'est comme la nouvelle frontière des droits civils là-bas. Donc, tous les médias prennent ça très, très au sérieux. Ils disent, bon, les homosexuels, les PD ont tous les droits maintenant. On ne peut plus vraiment pousser cette idéologie-là. Mais il faut toujours pousser quelque chose. Donc là, en ce moment, tous les médias américains, à la gauche et même jusqu'à un certain point à la droite, la soi-disant droite, ont commencé à parler et à pousser très sérieusement les droits des transgenres. Donc, ils poussent l'idée que oh, ces gens-là sont nés comme ça, on ne peut pas les opprimer. Dans le fond, tout ça, c'est vrai. Donc, il faut cajoler les maladies mentales de ces gens-là. Et donc, les lois américaines ont commencé à s'adapter à ça. Donc, initialement, c'était les systèmes scolaires qui ont commencé à dire, bon, les professeurs doivent appeler les étudiants d'après leur pronom préféré. Donc, s'ils veulent se faire appeler elle plutôt que il, et que le professeur refuse de le faire, le professeur pourrait être discipliné. Des choses comme ça. Putain, ils ont augmenté ça. La rééducation politique. Hein, donc, Oui, à New York, c'est encore plus extrême. Tu peux avoir une amende de, je crois, au moins 100 000 $, en tout cas un montant énorme, si tu appelles un transgenre avec un pronom qui veut pas, ou si tu refuses de le considérer comme une femme s'il pense qu'il y a un homme. Donc c'est très agressif. La loi en question, qui est mise en question, c'est qu'il y avait une initiative de Obama, le président précédent, qui disait que qui voulait fédéraliser l'obligation des écoles et des institutions officielles à laisser les hommes aller dans les toilettes des femmes, essentiellement. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'en fait, l'idée, c'est la suivante, c'est que la transsexualité est relative. C'est subjectif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit, voilà, moi, imaginons, moi je suis un homme, par exemple, mais je dis, ah oui, mais moi j'ai changé d'avis, voilà, ouais, je suis une femme, voilà, j'ai changé d'avis, bon, et ah ben, bah, tiens, ça tombe bien, j'ai envie d'aller aux toilettes des femmes, quoi. Ou inversement, le même truc, tu vois, mais c'est complètement subjectif, tu fais ce que tu veux, quoi. Et comment tu vas définir concrètement ce truc si, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui veut agresser sexuellement. Peu importe qui, quoi, tu vois, mais aller dans les toilettes pour agresser sexuellement des gens, non, comment ouais, tu fais? Ne serait-ce qu'agresser, mais les masseurs, quoi, tu vois. Les mecs, les masseurs, fais ce que tu veux, tu vois. Mais ouais. C'est hallucinant. Je veux dire, comment... Le mec, il dit, imaginez, aux États-Unis, maintenant, tu vas à New York, tu dis, écoutez, je suis habillé comme un homme, je parle comme un homme, j'ai l'air d'un homme, mais en fait, ce que vous savez pas, c'est que je suis une femme. Et donc, je vais dans les toilettes des femmes et je vais aller, voilà. Et si vous me dites quoi que ce soit, je vais porter plainte contre vous et vous allez me braquer 100 000 $. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, c'est quoi ça? En fait, c'est encore plus extrême que ça, parce que les gauchistes ont tellement élargi la définition de cette sexualité dégénérée-là que maintenant, ils ont des nouveaux concepts comme gender fluid, donc la fluidité du genre. Donc ça veut dire que... C'est quand tu veux. C'est le matin, tu te lèves, voilà, et puis le soir, tu te couches, c'est pas pareil encore, quoi. Exactement, donc ils peuvent changer d'idée n'importe quand. Donc ça veut dire que n'importe qui, n'importe quand peut dire, ok, ben quand je vais dans la toilette des femmes, je suis une femme, et quand je sors de la toilette des femmes, je suis un homme. Donc quand le flic arrive, aïe aïe aïe, moi je suis une femme. Non mais vous avez... Alors, ceux qui nous écoutent... Il y en a qui veut, ils disent, oui moi je suis à la fois un homme et une femme, je veux que vous me... Hein, il veut qu'on les appelle au pluriel, quoi. Genre... Je suis un transsexuel alternatif, musulman, ségrégué, voilà. Ah ouais, juif, quoi. Ouais, juif. Pas oublié. Eh, mais le pire, c'est que ça pourrait fonctionner avec la religion, ce truc-là, même la race. Ah bah oui. Je suis un nègre quand je rentre dans les chiottes, mais quand j'en sors, je suis un blanc. Enfin, vous dire un truc, ou l'inverse. Tu sais, le mec, il est musulman, sauf quand tu picoles. Oh là là, oh, c'est beau. Ben oui, ben c'est déjà étendu à la race et à plusieurs choses comme ça. Donc, il y a des gens qui sont blancs et qui disent « Ah, je suis un trans noir », des choses comme ça. Ou des gens qui sont vieux qui disent « Je suis trans jeune ». Sean King, Alors, chers amis qui nous écoutez, là, vous avez la manifestation très concrète, au-delà de la psychopathie gauchiste, qui est inhérente d'ailleurs aux idées de gauche. Enfin, c'est la conclusion, hein, je veux dire, c'est la conclusion logique... du progressisme, il faut pas être étonné là-dessus. Hein. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est à quel point ceux qui disent toujours « Oui, mais il ne faut pas être radical, il ne faut pas choquer les gens, etc. » Ben, vous voyez, vous avez la démonstration de l'inverse en termes pratiques. C'est-à-dire que plus vous poussez les gens, plus vous allez à fond dans vos idées, plus vous y allez, plus vous franchissez les limites, plus les gens vous suivent, en fait. C'est ça, le truc. Il ne faut pas rester cantonné sur des lignes, etc. Et dans notre émission, on essaye de le faire aussi. C'est-à-dire qu'on essaye de parler franchement des sujets et on essaye de balayer les interdits idéologiques, les tabous, etc. Et on parle franco. Et c'est ce qu'il faut faire. L'attitude perdante, l'attitude des losers, des perdants éternels, ça consiste vraiment à rester dans les clous imposés par l'ennemi. Il n'y a pas un général dans toute l'histoire militaire qui est jamais parti du principe, enfin un général victorieux qui est parti du principe « je vais respecter les conditions que l'ennemi m'impose de bonne grâce ». Ça n'arrive jamais, vous êtes toujours en train d'essayer d'exploiter les faiblesses de l'ennemi. Et de voir ce truc, c'est vraiment la manifestation de ça. C'est-à-dire que vous laissez les gauchistes en action, ils poussent, ils poussent, ils poussent, et ça ne s'arrête jamais. Et la dégénérescence avec, d'ailleurs. Donc, à contrario, moi je dis à tout le monde, il ne faut pas se limiter. Il faut être toujours plus radical, et j'allais dire, il faudrait pénaliser ceux qui sont les moins radicaux. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Ça arrive même naturellement, je veux dire, dans tous les domaines, mettons, si on reste juste dans les médias, c'est toujours les plus radicaux qui ont le plus de succès, même commercial. C'est-à-dire que, mettons, dans la sphère nationaliste, c'est les sites nationalistes qui sont les plus populaires. Puis c'est même linéaire, là. C'est-à-dire plus un site est radical, plus il est populaire. Dans les gauchistes, c'est la même chose. Les sites qui sont comme complètement, et les médias qui sont complètement débiles, dégénérés, qui promouvoient les trucs les plus folles, sans aucune honte, c'est eux qui ont le plus de views sur Internet. Ben évidemment, bien sûr. Puis dans les modérés, c'est-à-dire dans les médias standards, ben c'est ceux qui sont les plus sensationnalistes, qui fonctionnent. Donc c'est toujours l'extrême qui attire les gens, pas la modération puis le compromis. Ben évidemment, bien sûr. Bon, chers amis, on a fait le tour de la question. Quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Non? Pas spécialement? Très bien. Bon, ben on va se dire à la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Tiger, merci d'avoir participé. À la semaine prochaine, les amis, à plus. Salut, Magdal. C'était un plaisir. Au revoir. C'était sympa, Tiger, de t'avoir avec nous. À la semaine prochaine, les amis.